D'accord. Bon. T'as vu ça? J'ai pas vu, c'était quoi? Ah, le Dur Tour du... by Europe Oui, mais c'est Festival. cette semaine. De Oui, c'est trop bien. ouf. T'avais pas vu? Putain. Bah non, j'avais zappé en fait. Bah oui, moi j'avais vu, moi. Truc de fou. En plus, ils ont filé des invites. Ah ouais? Bah, les chargeurs, ils ont filé deux invites. Ouais. Au premier servi, premier livre. Ah ouais, non, bah oui. Ah bah c'est normal que t'aies pas vu en même temps, t'es pas dans la Head Charger Team. Écoute, mais j'ai plus rien. Bon, on y va? Hein? Tu commences par là, toi? Bon. Est-ce qu'on y va? Bonsoir à tous. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'épisode 20 de la saison 2 de Road to Hellfest. C'est nous. L'épisode d'avant l'anniversaire, comme on dit. Isaac. Ouais. À la bonne vôtre. Ah ben bah merci, de même. Oh, petit non, trinque, bah ça a été tout petit mignon. Et oui, car là, dans le courant de la semaine, entre maintenant et dans 7 jours, ça fera un an qu'on a commencé ce podcast, déjà. Alors, et au ouais. cours de cette année, beaucoup de départs, enfin un surtout. Oui. Très peu d'arrivées. Aucune. Aucune. Enfin, voilà. Et beaucoup, beaucoup de consommation de bière, malgré tout. Mais ben, ouais. Ah, on n'est pas... Voilà. Oh, bah, écoute. Bon, on va commencer. On va déjà commencer cet épisode par vous présenter toutes nos excuses aux auditeurs qui écoutent parce qu'on a eu un problème. Alors, je dirais pas qu'on a eu un problème de son. On a eu plusieurs problèmes qui ont fait qu'au final, bah, Bob. Ah, sur le dernier. Oui, sur ouais, le dernier. Bah, était assez inaudible. C'est vrai. J'étais assez loin. Oui, il était loin. Ouais. Bon, après, ça arrive. Il s'est éloigné. Loin des yeux, loin du cœur. C'est ça. On a enregistré aussi dans une autre pièce, donc du coup, on je était... pense que ça a joué. Ça... Il y a beaucoup de choses qu'on a dû jouer, mais c'est vrai qu'on était... Et donc, comme ça nous a un peu gonflé, on a décidé d'investir dans un peu de matos pour cette fois, et on va voir si ça marche mieux. Et si ce n'est pas le cas, bah, on arrête. Voilà, c'est moi, ça. Moi, je pas... On va la pas... date anniversaire, ce sera le dernier. Voilà, exactement. Alors, peut-être qu'à l'anniversaire, il y aura une surprise, ou pas, parce que cette surprise a tendance à être un peu changeante. Donc, ouais. on va pas prendre de risque de ce côté-là. C'est hein? Sûr. C'est sûr. Alors, sinon, Bob, as-tu passé une bonne semaine? Eh bien, ce fut. Très bien. Voilà. D'accord, rien de spécial? Oh non, rien de spécial. Tu n'as pas enterré de grand-mère ou t'as Non, la voiture va bien. Pas d'enfants malades. La famille va bien. Les enfants, bah. Ce serait dommage. Attends, encore. Hein. Tu peux quand même partager avec les gens qui nous écoutent et qui communiquent beaucoup avec nous, notre audience, comme on l'appelle, ouais. Le fait que tu as eu Far Cry 5. Ah oui, effectivement. Ah, voilà. Et, voilà. Tu as donc pu y jouer à peu près une heure et demie, deux heures. C'est ça, ouais. Grosso modo. En une semaine. Et c'était une bonne heure et demie. C'est pas... Oui, oui, oui, tout à fait. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, ouais. Bah tant mieux. Moi, j'ai de mon côté mangé une très bonne tagine samedi soir. Ah ouais, ouais. Sympa. Préparé par, c'est bon, ça. Par parcimonie. Ouais, ouais. Et moi-même. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, plus parcimonie. Bon, t'as dépouillé le poulet. C'est ça. C'était quand même une bonne chose. Hein. Ouais. Mais n'embêtons pas les gens avec nos histoires qui n'intéressent de que nous. De poulet. Je sais pas pourquoi je parle comme ça, j'ai l'impression de parler comme un mec bizarre. Enfin, mais t'es peut-être parce que t'es bizarre. C'est peut-être comme ça. Mec. Alors, sinon, moi j'avais marqué dans ma feuille un mouchoir de poche. Du coup, je ne sais plus pourquoi j'ai marqué ça, mais tu m'as dit juste avant qu'on enregistre. Je crois, hein, je suis pas sûr. Que je devais regarder l'historique de cette expression. Je ne l'ai pas fait, donc pour la semaine prochaine, je marque chercher historique. Voilà, comme ça, ça sera fait. D'ailleurs, j'ai marqué à la fin des news, je ne sais pas si tu as regardé quelques albums à écouter pour la semaine prochaine. Oui. Je ne sais pas si tu as vu. Tu as vu? Pas encore. Très non, bien. C'est parce que tu rajoutes des trucs tellement au fur et à mesure. Bon, attends, de, c'est prévu une semaine. Tu vas faire croire ça à qui? C'est bon. Bah, tout à l'heure. T'es en train de dire que je prépare tout au dernier moment. Bob. Je ne crois pas, non. Non. Non, c'est préparé, c'est carré, c'est mis en boîte. Oh, bah là. Une semaine à l'avance. Exactement. Hein. On arrête le podcast, on taffe deux heures dessus, et puis après voilà. On va se coucher. Là, on a jusqu'à l'épisode 30 à peu près. Hein. Pas près. Facile. Hein. De près. De près, ouais. Tout est prêt, les chroniques, tout est machin. Ils sont même enregistrés, d'ailleurs. Déjà. Et on fait juste une intro qu'on rajoute à chaque fois. Voilà, c'est ça. Donc, ne commençons nos Youpa. Non, disons, c'est une phrase bien longue. J'ai quand même été très très loin. Mais tu peux me la refaire? Ne commencerions-nous pas par les news du Hellfest, qui est quand mal. Même un petit peu la thématique de ce podcast. Tout à fait. Alors, en as-tu dû? Bah là, il y en a... Moi, j'en ai vu trois. Mm-hmm. Hein? Très, très bien. L'interview de Terror. Est-ce que tu l'as lu? Je l'ai lu. Qu'est-ce que tu en as tiré? Moi, j'en ai tiré deux choses. Ouais. Il y a des petits plantages. Mais ah bon? Ouais. Ah, j'ai pas fait. Mais non, c'est rien de méchant. Hein. C'est des petites erreurs de certainement de frappe ou je sais pas. Ah, putain, voilà. Mais je regarde rien, pas ça. Rien de méchant. Mais ça tique forcément des fois. Je m'occupe de toute la partie. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'en ai tiré? J'en ai tiré. Conclusion comme quoi ils étaient encore surpris et heureux de participer au Hellfest. Tout à fait. Comme à chaque fois, apparemment. Et nous ne sommes plus surpris. Non, de les voir. Ça fait combien de fois qu'ils passent? Cinquième fois, je crois. Ouais, c'est la cinquième fois. Je pensais que c'était plus, hein, du coup. Non, c'est pas Slayer. C'est Terror. Et Terror, c'est vrai que bah, quand même cinq fois. Hein, c'est quand même donc le nouveau Slayer, du coup, en termes de participation. Bah, du coup, oui. Hey, sympa. Donc voilà, qu'est-ce que j'en ai retiré qui tournait pas mal avec Madball et je ne sais plus quel groupe. Voilà. Enfin, après, qu'il aimait beaucoup le death metal, qu'il était content de voir tous ces groupes sous la Altar, sous le Temple. Ça j'ai noté, qu'il est très content de l'affiche et qu'il va... il a l'air vraiment d'en parler comme un festivalier. Ouais, je trouvais comme un fan. Le mec, il a l'air vraiment de dire « Ah, il y a ce groupe-là, j'espère qu'ils vont jouer le même jour où on sera là, parce que je peux être là qu'une journée. » Et ça, vraiment, je trouvais ça super cool, quoi. Et qui disait à la fin qu'il aimerait vraiment un jour participer les trois jours, faire les trois jours directement. Les trois jours, Et d'ailleurs, j'ai noté aussi qu'il parle des Meet and Greek. And Greed, pardon. Oui, j'ai vu ça aussi. Les fameux nouvelles façons de vendre un concert où pour une somme déritoire, tu peux t'octroyer un petit peu de temps avec le groupe, là où avant c'était gratuit. Donc maintenant, tous les grands groupes le font, même Metallica, qui était un dernier à ne pas le faire, le fait aussi. En général, ça fait tu te retrouves avec un billet pour 150€, mais bon, t'as des cadeaux en plus. Tu m'en avais déjà parlé de ça la dernière fois que t'as été voir Metallica, je trouve. Oui, parce qu'il y avait ça. Mm. Mais là, c'était parce qu'il y avait beaucoup plus cher. Mais par exemple, il y a Trivium qui passe la semaine prochaine et j'ai un pote qui y va et qui l'a pris ça. Enfin, il a eu ça plutôt pour Noël. Et ça comprend un sac, une version de l'album dédicacé, une rencontre avec le groupe, un poster, un accès privilégié au merchandising et une entrée avant dans la salle. En vrai, il y en a pour 135€. C'est pas si excessif si tu considères tout ce que t'as. C'est un cadeau en plus. Voilà, correct. Ça reste une marge de prix correcte. Metallica, c'était déjà beaucoup plus cher et il y a même des trucs comme Five Finger Death Punch qui étaient au plus autour des 200€. Et donc, dans l'interview, donc je crois que c'est le chanteur de Terror qui s'exprime. Ouais. Il raconte qu'il parle en son nom, il précise bien qu'il veut pas parler au nom du groupe. Mais que pour lui, son truc, c'est d'aller à la fin du concert auprès du merch. Et s'il veut parler avec des fans, et si des fans veulent parler, eux, il est là pour ça. Et que pour l'instant, c'est pas prévu qu'il change. Que ça pourrait arriver. Mm. Qu'apparemment, c'est pas quelque chose qu'ils ont forcément toujours le contrôle. Ouais. Mais que pour lui, c'est pas ce qu'il veut. Et que voilà, pour l'instant, il continue d'aller voir ses fans à la fin du concert gratuitement. Voilà. Et j'ai trouvé ça bien parce que j'ai bien aimé la manière dont il en parlait, en fait, en disant, en étant honnête, en disant, tu sais, en gros, ça va peut-être changer, mais c'est pas forcément ce que je veux, mais on n'est pas toujours libre de faire ce qu'on veut. Mmh. Je trouvais ça intéressant. Eh ouais. Moi, j'ai été lire aussi l'interview de Judas Priest, du guitariste, dernier arrivé du groupe, qui donc en fait est arrivé, je crois, il y a pas le dernier album, mais celui d'avant, un tout petit peu avant, qu'en fait avant faisait partie d'un groupe de reprises de Judas Priest et d'autres groupes. D'accord. Et qui avait aussi été guitariste pour la fille de... Oh, bah tiens, j'ai un trou. Du bassiste de Iron Maiden. Ouais. Harris. Je n'ai plus le prénom. Et donc, il était... donc, il a joué pour cette fille. En fait, de fil en aiguille, il s'est retrouvé du jour au lendemain dans son groupe de fans. En fait, comme une success story, quoi. Vraiment, le mec qui vit un rêve, quoi. Ouais. Et, l'American. Ouais, et en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, en dehors de ce qu'il explique, de dire que pour lui, il a appris le métier petit à petit, il s'est cassé la gueule, il a fait des erreurs, et puis aujourd'hui, il est dans le groupe dont il était fan, et il se donne à fond, quoi. Et que le groupe ne l'a pas engagé ni comme un mercenaire, ni comme un guitariste de studio, mais vraiment comme un membre à part entière. Et qui dit que malgré les 40 ans de carrière, le groupe se donne toujours à fond, donc lui, son boulot, c'est de se donner aussi à fond avec eux, quoi. Et le point que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'ils se souviennent de leur dernier passage au Hellfest, donc celui où ils faisaient une chanson de tous les albums, ou deux ou trois chansons de tous les albums qu'on avait vus et qu'on s'était un peu fait chier. Ouais, j'avoue. Et il explique en fait à quel point le Hellfest a la particularité que même de la scène, eux, ce qu'ils voient, c'est un vrai spectacle entre les trucs qui crachent des flammes et, et qu'ils disent que contrairement à d'autres festivals, t'as vraiment l'impression que tous ceux qui sont en face d'eux sont en train de vivre quelque chose d'exceptionnel et ils trouvent qu'il n'y a que là, au Hellfest, qu'on voit ça. Après, c'est une interview du site Hellfest, mais c'est toujours bien à noter que le Hellfest n'est pas... Je pense que c'est pas faux, parce que derrière, c'est vrai que t'as le feu, de, la déco, les, tout les, machin. Les scènes et les, ouais. le merchandising, tout ça. T'as, ouais, la déco. Et que, non, c'est, je pense que ouais, t'as vraiment l'impression. Enfin, c'est vrai qu'on n'a pas cette vue-là, nous, forcément, non. parce que on est même si on se retournait, on n'avait pas la même hauteur, la même foule. Et du coup, oui, c'est sûr que même pour eux, ça doit être sympa. Bah, je sais pas si t'avais été voir le Between the Martyrs, ils avaient tourné un clip. Enfin, ils avaient profité de leur prestation sur une main stage pour faire un des clips. Et ouais. En fait, tu vois bien la vue justement de la scène et tout le public qu'il y a là, alors qu'ils étaient passés quand même assez tôt. Ouais. Bah, c'est déjà assez impressionnant, et même en plein jour. Donc c'est vrai que de nuit, ouais. avec les flammes et de tout, nuit, ça doit être sympa. Ça doit être terrible. Voilà. Donc c'était deux interviews que j'ai trouvées intéressantes. Ça fait, en fait, pour l'instant, j'ai trouvé assez tout intéressantes ces interviews. Ouais. J'en retire à chaque fois quelque chose d'assez. J'aime bien comment c'est fait aussi. Ouais. C'est court, c'est court, voilà, puis c'est à la bonne franquette, ouais. c'est pas machin. Voilà. Ça se lit bien. C'est vrai. Autre news du site, enfin news ou contre-news, moi je n'ai plus, peut-être que toi tu l'as pas vu, mais moi j'ai plus accès au Running Order via le site mobile. Je crois que j'ai plus accès non plus. Voilà, donc j'ai été le chercher cet après-midi, mais. Ouais. On voit plus, donc ouais. Ils ont dû couper les vivres. C'est une façon de parler. Pidette. Et donc, eh ben, je suppose que c'est parce que ça va bientôt sortir. Oui. D'ailleurs, autre truc intéressant qui va être lié à la news suivante, j'ai reçu une notification de l'application Hellfest aujourd'hui, moi. Ah bon ? Ouais. Alors que. Je ne l'ai plus. Ah bah c'est pour ça. Moi ouais. je l'avais encore. En fait, donc la prochaine news, c'est au sujet du warm-up. Après Paris, Rennes, Nantes et Orléans, c'est au tour de Biarritz et Lyon d'être sold out. 75% des places écoulées à Vitry-le-François et Nancy va bientôt à son tour être sold out. C'est imminent. Maintenant, peut-être. Je sais pas, il faudrait vérifier, mais en tout cas, c'est imminent. Bon, nous, par contre, en tout cas, nous deux, on serait toujours chaud pour venir le jeudi 19 avril à Rouen. Perso, ça m'arrange moyen parce que je bosse et je dois bosser du matin, mais franchement, si on arrive à choper une petite invite... Oh, bah oui. On après, y va. Bah, bien sûr. C'est Rouen. Rouen, c'est à côté. Rouen, c'est chez nous, ouais. quelque part. Ouais, c'est la Normandie. Hein, bah, c'est ouais. voilà. Et donc, en fait, j'ai eu la notif du fait que c'était sold out via l'application. Donc j'ai été voir en me disant, tiens, elle a été mise à jour et tout. En fait, non, c'est toujours bien l'ancienne, mais j'avais la news dedans. D'accord. Ce qui sous-entend que ça serait bientôt aussi, je pense, prochainement. Parce que les autres, tu n'avais pas de notif. Non, je ne savais pas, non. C'est pour ça. C'est pour ça que je précise. Étrange. Étrange. Il y a un rapport à ton retour. Voilà. J'ai encore une dernière news. Est-ce que oui. tu en as une, toi, d'autres ? Oui. Ah, cool. Bah, via aussi le Hellfest. Ah bah... C'est le concert de Ward Runa. Ah oui, je ne l'ai pas celle-là. Tu l'as pas vu ? Non. Donc, c'est en partenariat, hein, le Hellfest et Garmon Bozia en partenariat. Mm-hmm. Avec justement, dans le cadre de l'expo, nous les appelons Vikings. Mm-hmm. Voilà. Donc, il y a Ward Runa le 29 septembre 2018 à Nantes, dans la cour du Château des Ducs de Bretagne, qui donne un concert. D'accord. Voilà, suite. Je pense à la prestation qu'ils ont fait au Hellfest l'année dernière. C'est pas tout de suite quand même. Non, c'est le 29 septembre. Oui, il y a le temps. Ouais, mais c'est sold out. Il n'y a déjà plus de place. Ouais. Donc après, c'est toujours une chose. Guettez s'il n'y a pas des places qui se libèrent entre deux, si vous êtes fan de Ward Runa. Mais après, voilà. Ça aurait pu être un concert auquel tu aurais pu assister. C'est vrai. Du coup. Ouais. Avec parcimonie. Ouais. Parce que bien. Faudrait essayer de choper des trucs. Ouais. qui bouffe à tous les râteliers. Nous on est voilà. partant, on fait une chronique. Hein, c'est, bah ouais, ouais, complètement. Non, autrement, c'est pas loin. C'est que là. C'est à côté. donc voilà. D'accord, très bien. Et il y a eu une expo, du coup. Oui. Voilà, il y a une exposition sur les Vikings. Voilà, des photos ou une expo. Certainement beaucoup de choses. Après, il n'y a pas réellement de précision, mais je pense que ça viendra. Hein. Est-ce que tu as écouté un peu, toi, Ward Runa ? Ben, je crois qu'on a un album. Ah, quand même ? Ouais. Oh, vous l'avez acheté récemment, alors ? Ouais, il y a un mois et demi, je crois. Ah oui, quand même, oui, ouais. C'est récent, donc, d'accord. Ah ouais, d'accord. Non, c'est pas mal. Hein. Ah bah, je... Non, j'aime bien. Donc, du coup, t'aurais plus été les voir Bah, si j'avais l'occasion, ouais. Mais est-ce que tu l'avais, en fait, tu faisais la queue ? L'année dernière, en fait, on voulait les voir, et puis je crois qu'on était en train de prendre l'apéro sur... Non, vous étiez en train de faire la queue pour Clutch ou pour Primus. On un truc comme ça. Ah ouais, et vous aviez le temps. Vous avez été, vous avez fait la queue pendant 2 heures, je crois. De mémoire. Ouais, c'est possible. De mémoire, ouais, je m'en souviens plus. Tu sais, moi, je me souviens que des trucs qui me servent à rien. Oui, voilà, c'est ça. Et ça sert à rien. Ça sert à rien. Autre news, le 3 avril, c'est-à-dire pas aujourd'hui, Il ne restait plus que 59 places pour le Crazy Train, sous-titré, comme nous aimons à le rappeler, Road to Hellfest. Eh, c'est nous. J'ai vu quelqu'un d'ailleurs qui a fait un tweet qui a été aimé par le Hellfest, à savoir que c'était la très bonne journée pour faire la promo des trains. Il a reposté le truc. Ah oui, oui. Ouais. Bah oui, forcément. Voilà. Donc c'est blague. Tout pour les news Hellfest. Oui. Ce qui est déjà, bah, c'est déjà pas si mal quand même, hein, parce que bon, ils communiquent pas beaucoup, mais... Il communique pas beaucoup. Alors, autre news métal, je vois que tu as des news... Ce qui est bien, c'est qu'on s'est pas concerté, donc ça trouve on va faire redondance. Donc je te laisse le dire, vas-y. Les motocultores. Ouais, je l'avais aussi. Ouais. Ouais. Qui ont lancé les appels aux bénévoles sur les réseaux sociaux. Exactement. Donc l'adresse est indiquée sur les pages, hein, voilà, pour faire une petite inscription. C'est vrai. Donc voilà. Facebook et Twitter, j'ai vu. Bah, sûrement un peu partout. Ouais, voilà. Ça t'a jamais intéressé, toi, d'être bénévole? Ben, non, j'aime bien ne pas bosser le week-end, moi. Mais je voyais, en fait, je vois ça plus dans le côté découvrir d'un autre œil ou d'un autre côté. Bien sûr, j'entends tout c'est à plus... fait ce que tu dis. Parce que si on en croit les bénévoles du Hellfest, c'est pas ouf. Oui. C'était ça, parce que je... enfin, certains bénévoles dont on nous tairons les noms. Voilà. Parce qu'on s'en souvient pas. Bon, certainement. attends. Romain, je crois. Ouais. Ah. Enfin, c'est Vanessa. Pas... Voilà. C'est pas leur vrai prénom. Non, c'est le prénom des minicums. Oui. Et je tenais, moi, par rapport à ta news, rajouter que si tu as le goût du public, le sens de l'organisation, être disponible et motivé, voilà, c'est ce qui... C'est leur, et que tu parles... plusieurs langues. Ah, j'ai pas vu l'anglais, ça. Enfin, je sais pas. Non, ce que je voulais juste préciser, c'est que je réponds à aucun de ces critères. Ben, c'est peut-être ça aussi pour moi. Voilà, donc c'est dommage. C'est, mais je voulais pas le dire parce que je voulais pas faire genre que je suis associable ou des trucs comme ça. Mais non. Mais maintenant que t'as tout balancé, on enregistre dans une pièce dans un sous-sol de garage. Voilà. Fermé à double tour. Exactement. Et voilà. tenu en garde par un chien vu méchant. À trois têtes. Voilà. Avec des barreaux aux fenêtres. Exactement, voilà. Ne venez pas nous chercher querelle. Ouais, le festival a aussi dévoilé son running order officiel et précisé qu'il manque toujours 23 groupes à annoncer. Exact. Du coup, je ne sais pas trop comment ils vont placer dans le running order. C'est peut-être déjà fait. Donc, moi, de ce que j'ai noté, travaille en vendredi, Alstorm, samedi, Tagada, Ultra Vomit, et pour toi, dimanche, Stone Jesus. Ouais. Voilà. Mais du coup, c'est vrai que le faire qu'une journée alors qu'il y a Ultra Vomit et Tagada... Moi, je représente la scène du vrai... Du trou. Mmh. Normand. Exactement. D'autres news Ouais. Bah attends, je te la fais pas maintenant, parce que c'est ta dernière news. Ah bah oui, du coup. Très bien. Alors, nouvelle vidéo officielle officielle chez Jonathan Davis. Everyone, second extrait de l'album Labyrinthe, prévu pour le 25 mai. Je vous l'avais fait écouter vite fait ce week-end. Oui. C'est pas ouf, c'est effectivement. C'est calme, à dire. Ça serait dans la partie très calme des morceaux de cornes, mais sans ouais. cornes. Donc, c'est. Voilà. Je pense que ça va être un album avec des Roland de cornes, mais. Parce que, bon, Jonathan Davis reste quand même un très très bon chanteur qui est capable de mettre de l'intensité dans ce qu'il fait. Et c'est ce qu'on ressent dans le morceau, juste, voilà, c'est pas dingo. Petite blague de première. Pourquoi je grille le truc? Je recommence. Après avoir débuté le mois dernier l'enregistrement du nouvel album, Tool a mis cet enregistrement en pause et devrait reprendre l'année prochaine selon le planning de chacun. Voilà, c'était le poisson d'avril de nos confrères de Radio Métal et c'est très drôle parce que moi j'y ai cru comme un pauvre type. Voilà, c'est que juste en fait en relisant le truc, je me suis dit ah, mais c'est un poisson d'avril, je regarde 1er avril, ah, mais oui, je suis trop bête. Voilà, c'est tout. Je t'en prie. Ok, c'était ça? Bah oui. D'accord. Oui, mais la transparence. Je lis un truc, je me fais avoir, je le dis. C'est bien. Naïf. Non, non, mais tu as le courage de. J'assume. Totalement. Et j'aime bien Teen Wolf. Ce qui n'a strictement. Aucun rapport. Voilà. Donc, oui, alors ce week-end. C'est ça, hein, c'est ce week-end, 6 et 8 avril. Tout à fait. Le Dubai Rock Festival à Beaumale-sur. Ah, j'arrive pas trop à voir. Ourthe, hein, c'est ça, relire, Ourthe. Donc. Luxembourg, Belgique. Aïe, aïe, aïe. Quoi, qu'est-ce qui se passe? C'est loin. Ça dépend. Si t'habites plus près de Lille, c'est pas très loin. Je continue, on en parle après. Donc voilà, avec une petite affiche bien sympathique, ma foi. C'est vrai. Hein, donc il y aura entre autres Alstorm, Helvetii, Enslaved, Ultra Vomit, Cadaver, Orange Goblin, Head Charger. Nos amis représentent Monolord, Amenra, Therion et bien d'autres. Ah, Therion, c'est ton groupe de la vie en plus. Tout à fait. Du coup, t'aurais bien aimé y aller ? Ah bah, forcément. Mais bon, faut s'y prendre quand même un petit peu à l'avance, quoi, du coup. Oui, mais le truc, c'est quand même, c'est loin. C'est loin. T'aurais pas embêté de pas pouvoir y aller ? Genre, imagine, on piffe une accrède. Bref, voilà, quand même, 6 et 8, quoi. On a un peu le 5 demain, ça va être compliqué. Bah, je n'ai pas dit le contraire. Hein. Là, piffer, là, franchement, la champion. Non, mais c'est pas ça. Moi, je peux pas y aller. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Moi, je peux pas y aller. Ah oui. Non, puis même, j'ai pas un rond pour aller en Belgique. Et on n'est pas là pour parler des problèmes. Oui, la transparence. On se dévoile cette année. C'est vrai, on s'est beaucoup dévoilé. Hein. Ouais. D'accord. Bah, c'est vrai que ça avait l'air très très bien. Moi aussi, c'est parce que ça tombait mal, quoi. Donc, après, c'est pas grave. On va réserver pour l'année prochaine. Tout à fait. Encore une vidéo, cette fois, donc un nouveau titre de chez Bullet Format Valentine, Over It, le premier extrait de l'album Gravity qui sortira, lui, le 29 juin. J'ai été écouté et je lui mettrai pas ouf sur 5. Ah ouais. Mais 3 pas ouf sur 5. Donc c'est pas terrible. Ouais. En fait, Bullet Format Valentine continue son mainstreamage et on oublie un peu la colère des débuts, ou alors c'est quelque chose de normal, mais enfin je sais pas. Plus ça va, enfin j'ai toujours trouvé qu'il y avait un petit côté pour adolescente émo, un peu triste, gothique émo, et là plus ça va, plus tu sens même plus la colère qui c'est directement, ça s'adresse que à elle directement, quoi. Enfin, comme Superbus. Non, parce que Superbus c'est ah oh là là, bref. Ouais, moi j'ai des rêves, moi. On se dévoile. On se dévoile beaucoup pas, là, hein, je trouve. Hein. On avait dit à peu près 5% par épisode, mais là, t'es monté facile à 15. Ouais, je sais pas ce que. Limite. J'ai trop loin. Ouais, je crois. Moi, je m'excuse. Soulwork est actuellement en studio pour enregistrer son 11e album prévu pour fin 2018. Le dernier, The Ride Majestic, remonte à 2015. Bon, ça va. Nouvelle vidéo, cette fois un Director's Cut de chez Godsmack. Godsmack, groupe que tu avais bien aimé quand je t'avais fait écouter et qu'on n'avait pas été voir. J'aime bien la voix de le chanteur. Ouais, et ben pas là. Ah bon ? Ben je suis pas. En fait, j'ai l'impression d'avoir le même problème qu'avec Bullet for Valentine. La chanson est mollassonne. Mais... Ah ouais. Alors que justement, Godsmack, je trouve qu'il avait un son et une espèce de truc un peu. Un petit côté heavy metal, mais plus énergique. Et là. Alors la vidéo se veut marrante parce qu'ils font une espèce de parodie, enfin ils font un enregistrement du clip où le chanteur joue lui-même son cousin italien qui fait des, enfin c'est pas très marrant et c'est pas très bon à écouter, mais voilà. J'écouterai quand même le nouvel album dès qu'il va sortir, donc le nouvel album qui s'appellera When Legend Rise et qui sort le 27 avril, c'est quand même une vidéo director's cut de 10 minutes, hein. Il y a plein de moments où ça chante pas et tout entre deux. Ouais. Voilà. C'est pas ouf. Bien sûr, tous les liens seront dans la sur la page du blog. Oui, bien sûr, Nico. Parce qu'on nous a, voilà, Nico, un ami, un frère. Un frère quelque part nous a conseillé justement de vous devriez peut-être faire ça. Et moi j'ai dit c'est pas con. Donc on va essayer. Voilà. Alors faut pas s'attendre à ce que ça soit hyper. Comment dire, on va tester, voilà. Merde, j'ai un mot en tête, mais j'arrive pas. Précis, rapide, non, hyper efficace. Pas genre régulier. Mis à jour, mais voilà, un truc comme ça, quoi, dans l'esprit. Voilà, c'est encore nous, hein, ça se fait avec, c'est artisanal, on vous rappelle. Hein. Voilà, c'est ça. Il y a le mec qui discutons. Hein. Voilà, je tiens à rappeler que je devais poster normalement une chanson par jour et que j'en suis à 3-4 parce que je suis à la bourre. Mais par jour. par jour. Depuis hier. Hey, c'est vrai. Devil Driver va sortir un nouvel album le 6 juillet et ce sera un album de musique reprise country de Willie Nelson à The Eagles en passant par Johnny Cash et beaucoup d'autres, bien sûr. Il y aura en plus de nombreux invités, un certain Randy Blythe accompagné de son comparse Mac Morton, nos amis. Tout à fait. Et bien d'autres viendront remplir ce petit scud de leur voix virile sur de la musique country. Jamais un projet m'aura autant hypé que pas. Les deux. Je suis Tu sais pas. Ouais, parce que je dis pourquoi curieux. Pas. Ouais, pourquoi pas, et en même temps on l'écoutera pour vous. Et on en fera un retour de qualité. Exact. Voilà, parce qu'on est des mecs comme ça. Ouais. Bon, faudra pas s'attendre à ce que ce soit direct et rapide, mais un jour. Un jour, ça, sans vous prévenir. Peut-être que si, bah, en plus, on, eh ben, peut-être qu'on achètera l'album. Et là, on... Ne prends pas trop de liberté comme c'est ça. C'est ça. Le budget... Ne tire pas trop sur les taureaux avant de noyer le... Avant d'avoir une corne en toi. Exact. Que peut-être qu'il ne te visait pas. Oui. C'est surtout que les fonds de Road to Hellfest sont pas loin de zéro. Hein. Les gens se rendent pas compte. Bah, ils sont... Ouais, si, ouais, comme... enfin, ouais, c'est ça. Hein. Genre, on n'a pas de... vraiment de trésorerie. On n'a pas vraiment de trésorerie. On n'a pas de trésorier. Non. Donc peut-être c'est pour ça qu'on n'a pas de trésorerie. On n'a pas de rentrée d'argent, en fait. Non. Voilà. Donc là, bah, on peut faire appel. Donc du coup, on va la page Tipeee est prête, hein, donc vraiment. Voilà, on a juste à faire entrer. Voilà, donc faut si pas hésiter. Hein. Non, allez, merci les tipeurs, ouais. Vous êtes sympa. Cataclysme, ma bonne découverte de cette année, a sorti également un premier extrait de l'album Meditation qui va sortir le 1er juin, à savoir Guillotine. J'ai été écouté, j'ai plutôt bien aimé. Au début, j'étais un petit peu en ventre mou en disant oui, pourquoi pas. Et au refrain, ça m'a rattrapé, ça m'a remis de bonne humeur et j'ai sauté dans la guillotine. Pour Guillotine. Bah oui. Donc je recommande. Encore une fois, le lien sera sur avec les autres liens. Ouvre la bouche quand tu parles. Ah, pardon. Zeal et Ardor, un autre groupe de cette année que nous n'avons pas encore eu le loisir, plaisir de chroniquer. Eh bien, écoute. Peut-être ce soir qu'on va le tirer au sort, peut-être J'aimerais vraiment que ce soit toi. Ah ouais ? Ouais. Parce que t'as écouté... Ah oui, j'ai déjà écouté, ouais. C'est très particulier. Comme ce que j'aime, comme Bob il aime ou... Alors, pas forcément. Ouais, enfin, c'est curieux. Écoute, tu pourras aller voir. Ouais, parce que toi, t'es un enfoiré, alors du coup... Non, c'est pas un coup de couteau dans les côtes. C'est pas un coup de Trafalgar ? Non, vraiment, c'est un truc, j'aimerais vraiment avoir ton avis là-dessus. D'accord. Donc, Zeal Ardor a dévoilé les détails de son nouvel album, ainsi qu'un clip vidéo. Grave Digger chante, premier extrait du nouvel album intitulé Stranger Fruit. Foot sortira le 8 juin. Il contiendra sa chanson. Hey. Ah, c'est pour masquer le bruit. Non, mais t'es un frère de métal, ça va. Non, je me suis même pas. Non, c'est ça. C'est juste, je me suis imaginé une frite étrange. C'est pour ça. Alors. À quoi ça peut ressembler ? J'ai écouté, c'est pas mal. C'est un peu surprenant, mais c'est dans le style de tout ce que fait Zeal et Ardor. Imprononçable. Dimmu Borgir, nouveau clip vidéo. Le groupe va sortir son nouvel album le 4 mai, Heonian, et le clip Conceal of Wolf and Snake est déjà disponible. Je vais être honnête avec vous, j'ai écouté 15 secondes, j'ai dit c'est pas mal, et puis j'ai été faire autre chose. Mais c'est pas leur faute, c'est pas mal. Ouais, voilà. C'est que ça t'a pas. Non, c'est pas ça. Non, vraiment, j'ai été faire autre chose pour faire autre chose. J'ai pas arrêté parce que j'ai. Ah oui, d'accord. Non, vraiment, donc c'est pas mal. Ce que j'ai écouté m'a plus qu'autre chose. Voilà, mais j'ai pas été. Je préfère être honnête en disant j'ai pas tout écouté du morceau. Mmh. Non, bien sûr. Sinon, nos amis. En plus, là, vous le voyez pas, mais je viens de lever les bras comme si j'avais fait un gros câlin. Jesus. Les 4 derniers noms du Men's Square sont sortis. Donc, plutôt que de mal dire les choses, je vais carrément lire le communiqué que j'ai reçu par mail. Sans rien nous demander cette fois, donc on va vous taguer, donc vous inquiétez pas, vous êtes toujours nos frères, les Men's Square. Bien sûr. On est avec vous, même si on comprend pas toujours vos affiches. En dehors des 3 gagnants du tremplin qui ouvriront la Green Room chaque jour, l'affiche de cette 14e édition du Men's Square Festival est désormais complète. Les Londoniens de Jungle feront grouver la citadelle le vendredi 6 juillet. Samedi, ce sont les Mancuniens de Courtenay qui proposeront leur indie rock savoureux, alors que les Anglais de Basement secoueront les remparts. Enfin, le multi-instrumentiste Younger fera danser le public le dimanche 8 juillet. Rétrospectivement, donc c'est un groupe d'électro, de rock, de la pop et du hip-hop. Encore une affiche très Men's Square qui va un peu taper partout. On ne saura que trop vous recommander d'aller à ce festival pour ceux qui sont métalleux mais pas que et qui ont envie d'écouter plein de choses parce que la citadelle d'Arras mérite vraiment le déplacement. C'est sûr. Et que tous les gens qu'on a croisés là-bas étaient quand même plutôt ultra cool. Donc, et il y aura énormément de gens de métal aussi parce qu'il y a Gojira, et Queen of the Stone Age, je crois aussi. Ouais. Donc il y aura beaucoup de gens qui ont été au Hellfest. Donc sûrement beaucoup d'entre vous qui écoutent, allez aussi au Men's Square. Venez de notre part, vous n'aurez rien. Mais c'est toujours. Mais venez de notre part. Voilà. Donc pour la semaine prochaine, j'avais prévu d'écouter plusieurs albums. Donc je vais te les soumettre. Tu me dis oui, non, pourquoi pas. Ok, d'accord. C'est un nouveau concept pour l'émission. Je viens de l'improviser là. Ouais, c'est cool. Monster Magnet. Oui. Trust. Non. Ah, il y avait non ou... Oui, il y avait Oui, non. non, pourquoi pas. Ouais. Non. No One is Innocent. Pourquoi pas? Et Satanic Surfer. Oui. Voilà, très bien. Oui, Donc, pourquoi pas? alors, je vais être honnête, je vais essayer d'écouter les quatre. Trust, c'est surtout parce que bah, je voudrais voir en fait ce qu'ils font aujourd'hui, par curiosité. Non, mais j'irai certainement écouter, mais... Pas pour la semaine prochaine. Non, peut-être pour l'épisode Enfin, on dit la semaine prochaine ou pas, 40 parce de que la c'est. saison 37. Peut-être que la semaine prochaine, on fera un truc différent, je sais pas. On n'a pas vraiment préparé de truc, C'est donc. vrai, ça? Donc. Eh bien, attends, oui. Dis donc. Mais. Ah, là. Ça serait peut-être comme qui dirait le moment de Fougnasse. s'en occuper. Complètement. On peut voilà. faire comme Et d'habitude. No One, parce que moi, j'ai pas écouté l'avant-dernier qui est J'aime bien la sorti. pochette, par contre. Oui. Et apparemment, ils ont énormément. Bah, pas changé, mais ils ont mis le potentiomètre sur 10, apparemment. Ça, Ah ouais? c'est En beaucoup. hommage à Lemmy? Sûrement. Non, mais, et puis, ils ont changé de. Enfin, leur producteur son est apparemment le même que Massisteria. Donc, en termes de gros son, il y a du gros son. D'accord. Pareil style. Eh bah Donc, écoute, moi je te dis pourquoi pas, ouais. voilà, No très one, bien. ouais. Donc, on part sur ça. Donc, voilà pour les news. Nous en sommes donc déjà à 31 minutes. Bah c'est bien. C'est merveilleux. C'est correct. Attaquons les chroniques. Qui c'est qui commence? Chronique, chronique. Hey! Pap-pap-pap-pap-pam. Je crois que c'est pour toi, Julien. Petite. Bah, pour Ouais, savoir. Oui, c'est ça. c'est ça. Donc, qui commence? Bah après, n'importe. Tiens, ça me rappelle que j'ai pas noté les scènes des groupes. Moi, c'est pareil. Moi, je vais essayer de Parce les que du retrouver. coup, c'est pour ça que j'avais été chercher. Bah Et oui. que je me Oui, suis mais ça, rendu par contre, compte tu devais que les ça avait avoir encore. disparu. Bah si, les scènes, elles y sont encore. Ah oui, les scènes sont encore, ouais. Oui, mais tu les as Mais pas notées. c'est... Ouais, exact. Très bien. Eh ben, Oh! si tu veux, je commence. Vas-y, commence. Ça va changer. Alors, je vais essayer. Parce que je suis pas forcément fan de tout ce que j'ai fait. Donc, Ouais. Et de tout ce que t'as écouté ou... Ah, alors, oui, alors ça c'est pareil. Il y a des trucs. Bah, attends, de ce que j'ai écouté. Oui, s'il y a un truc que j'ai pas trop. Ah, tiens, j'ai commencé par celui-là d'ailleurs. Ah, Bob. Te souviens-tu quand je te disais. Le mec écrit ses intros. Attends, fais pas le Ah, con. ça, je sens que ça va marcher, ça. Là, je vais l'écrire parce que je sens que ça va marcher. Fais Eh pas oui, le ça marche. con. Fais pas le con, fais pas le con, fais pas le con. Ah bon, Non, mais je bon. te vois bien tout seul en train d'écrire ça. Ah, Bob. Ah, okay. Ah, Bob. Là, t'es content de le sortir. Ça Attends. y est, enfin. Dis-moi, Bob, Oui? te souviens-tu quand je te disais à quel point j'aimerais aller à Orléans? À Orléans? Oui, bah oui. Non, je m'en rappelle pas. Mais pourtant, il y a de quoi. Orléans, cette commune française du centre de la France, chef-lieu du département du Loiret, de la région Val-de-Loire, et qui est de plus classée ville d'art et d'histoire. Et encore, aux portes de la région naturelle de la Sologne, aux portes des plaines de Beauce, classées au patrimoine mondial de l'humanité, comme moi. Oui, on peut C'est voir bon. ça comme ça. Cocorico, car Burning Heads est un groupe de skate-punk mélodique originaire de Orléans. Ah, mais voilà où tu voulais en Tout venir. ceci s'explique. Actif depuis 1987, le groupe est fortement influencé par le hardcore mélodique californien de type Dagnasty et quelques signatures de chez Epitaph Records, en particulier Bad Religion. Forcément. Ils ont 14 albums à leur actif, 6 Actuellement EP même. et 7 splits, dont un avec les potes de chez Uncommon Men from Mars. Et justement, bah, comparé à eux, j'ai beaucoup moins apprécié leur écoute. J'ai pas trop aimé, mais j'ai essayé d'écouter. Comparé à Burning Head? Non, Uncommon Men from Mars, Ah j'ai bien oui, aimé. d'accord. Et Burning Heads, j'ai pas trop Non, je aimé. me dis comparé à eux, j'ai pas trop aimé leur écoute, forcément. Je pense, Bah, j'ai pas dit que j'étais clair dans ce que je disais. Oui, non, c'est ça. Faut être clair hein, C'est les dans ce mecs qui que. font de la musique qu'ils aiment pas, je pense, Non, c'est mais. assez rare quand même. Attends, les musiciens qui sont avec, je sais pas, Alizé, c'est pas dit qu'ils aiment. Oui. Tu vois? Oui, c'est vrai. Alors, toi, comment tu juges? Proposant un punk mélodique, tout ce qu'il y a de plus classique, il n'y a pas grand-chose dans leur album qui m'ait retenu l'oreille. Et leur tentative d'album reggae, électro, dub, Dub. drum and bass m'a complètement fait décrocher pour le coup. Pareil. Le problème en plus, c'est que j'ai eu un souci, c'est que j'ai voulu écouter sur Spotify un peu tous les albums. Et le problème, c'est qu'ils sont pas du tout rangés dans le bon ordre. Ouais. Donc il y avait des albums très anciens qui étaient de 2016. Si on a un coup de Spotify, ils en ont sorti trois en 2016. D'accord. Donc j'ai essayé d'aller voir un petit peu. Je vais essayer de prolonger mon écoute des albums les plus récents, parce que de ce qu'ils ont fait dans le début, moi, j'ai pas vraiment... j'ai pas accroché, en fait, parce que autant je trouve que c'est du punk, donc du skate punk mélodique classique, mm-hmm. qui a rien de négatif en soi, mais il n'y a pas le petit truc en plus que je trouve chez Uncommon Men from Mars, ou même chez ceux que j'avais bien aimé, que j'avais déjà chroniqué et que j'ai oublié. Ah, Bob me regarde en souriant comme s'il avait vu une illumination, donc c'est pour ça que je... Ah non. Ah non. Oh, bien joué. Quoi donc? Ah bon? Bravo, Julien. D'accord, très bien. En direct live, qu'est-ce qu'il nous a mis? Un micro. Eh oui, d'accord, c'est ça. Bien joué, Julien. Tu as effectivement trouvé quel était l'indice sur la photo. Sinon, Burning Head, j'ai oublié d'en parler, ils passeront le vendredi sur la Warzone. Et ils vont venir fêter en plus leurs 30 ans de carrière au Hellfest, donc ce qui est plutôt bien. Mmh. Et pour en revenir à ce que je disais, ouais, il y a eu des... c'est pas Seven Hour, non. Putain. Seven Eight, que j'ai beaucoup plus aimé, qui pourtant sonne plus facile d'écoute, mais j'ai plus apprécié. Et là, chaque fois que j'écoutais un peu The Burning Head, bah, en fait, comme j'étais un peu en aléatoire, je me retrouvais sur des morceaux qui m'ont vraiment, mais pas gonflé, mais... Je connais pas le reggae, je connais pas le drum and bass, enfin je connais pas assez pour avoir un avis. Non, la dub. Ouais, je connais pas assez pour avoir un avis éclairé. Juste que moi, ça me branche pas du tout, donc c'est comme ça me donnait pas du tout envie d'écouter. Et à chaque fois, en fait, j'arrêtais parce que. Mais après, je sais pas quel est le niveau de qualité de genre de musique, mais franchement, il y avait certaines paroles, c'était pas possible, quoi. Oui. Genre Babylon by Skate, ouais, ou ouais, Police in Helicopter. Voilà, ça c'est pas possible. Ouais. Non. Ouais, je peux te conseiller un album vraiment qui est que j'avais moi, que je ne sais pas ce que j'en ai fait. Tu vois le bordel un peu dans les albums? Ouais, ça a l'air sympa. Ouais. Bah, c'est pour ça en fait. Moi j'avais, je crois. Après, il y a des trucs qui sont bien, je dirais pas le contraire. Il y a des trucs qui m'ont pas déplu, mais juste sur l'ensemble de tout ce que j'ai écouté, j'aurais pas forcément envie de retourner écouter. Il n'y a pas vraiment de truc qui m'a accroché quoi. Ouais. En disant, alors que pourtant, c'est quand même un style de musique qui est le plus facile à t'accrocher normalement. Normalement. Bah, c'est quand même, ça passe partout. Après, comme on le dit si souvent, dans une playlist, ça passe. Voilà. Mais voilà, c'est peut-être ce que j'ai le moins aimé de tout ce qu'on a écouté en punk depuis le début de cette saison. Si je me trompe pas, moi j'avais cet album, Super Modern World. Je crois que celui-là, il y a des trucs que j'ai bien aimé, mais sans plus quoi. Celui-là fait plus punk justement à roulette, ouais, que les autres. Après, donc toi, tu décroches aussi un peu du groupe quand tu... Bah, par exemple, j'ai aussi connu Opposite. Oui, bah c'est celui-là. Album de 2016. Non, mais tu vois, c'est pour ça que je te dis... colle pas. Non, ça 2016, colle pas les dates, ça va pas. Je sais plus de quelle année, je crois qu'il date des années 90. Bah, surtout album-là. Qu'il y a eu quand même un Opposite 2. Donc, Oui, mais oui, Opposite, je crois que c'est Parcimony qu'il avait cet album-là. Ouais. Et moi, j'avais justement l'autre qui est un peu plus skate. Ah, mais c'est... Et j'avais pas du tout accroché quoi. Ah non mais c'est, enfin, ouais, c'est trop possible, dub quoi. Pour moi, et la dub je n'arrive pas. C'est physique en plus. Et puis c'est même pas comme si t'avais un album avec plusieurs styles dans l'album, parce que, enfin, je veux dire, s'il y avait un peu de punk, un peu de truc, c'est vraiment c'est... Ah bah là c'était totalement de la dub, je crois. Par contre, un truc c'est dub, que ils ont tenté d'aller dans d'autres styles et vers d'autres orientations, et ça c'est bien, mais juste, bah, c'est pas pour moi, voilà. Donc à la limite, je préfère un groupe qui fait... Là, je te rejoins tout à fait là-dessus. Voilà. Donc voilà ce que je pourrais dire sur Burning Head. C'est un groupe historique, hein. 30 ans de carrière, c'est énorme. Mais c'est pas pour ça moi. Peut être sympa sur scène. Je les ai jamais vus, je crois. Ouais, mais s'ils font un mix des deux, je vais me barrer. Hein. Bah, attends, je crois que je les ai vus en plus une fois. S'ils vont à la Warzone et qu'ils font un mix des deux, je vais me casser. Hein. Si, je les ai vus. Exact. Pas loin, à Bréal, je crois. Ah ouais? Ouais. À Arsenic? Dans une petite salle. Ah, dans une petite salle. Si je me trompe pas. Ouais, mais je veux pas dire de conneries, mais je crois. T'imagines à la Warzone s'il commence à... Ah bah oui. Moi c'est pas pour moi. Non, pareil. En même temps, l'avantage c'est qu'ils pourraient faire deux scènes, la Warzone et la vallée. Ça peut être dur, je pense. Ah bah... Logistiquement parlant. C'est pas faux. Bref, voilà ce que j'ai à dire sur Burning Head, pas grand chose. Tout à fait. Donc je recommanderais... Enfin, c'est dur de pas recommander, parce que quand c'est un groupe qui est là depuis si longtemps, il y a forcément énormément de gens qui aiment bien et tout ça, mais... Bah, moi je recommande pas spécialement parce que j'ai pas spécialement aimé, voilà. Tu as le droit. J'ai dit deux fois spécialement. Oui, bon, après ça, on s'en fout. On coupera. Ouais. Je t'en prie, à vous-même. C'est à WAM, comme disent les jeunes. Alors moi, c'est rigolo parce que Souviens-t'en-en, saison 1. Oui. J'avais tiré au sort Baronesse. Oui, et tu avais pas et trop aimé. Saison 2, tu retires je retire au sort Baronesse. Qui va jouer où, à ton avis? Baronesse, bonne question. Il joue toujours au même endroit. Bah, c'était pas sur Altar ou un truc comme ça? Ah non, pas du tout. Non? La Vallée. Ouais, donc tu vois, comme quoi? La Vallée le dimanche. Ah bah super. Très bien. Donc, un groupe états-unien. Oui. Tout à fait. De Sludge Heavy Alter Prog. C'est comme ça que je l'ai mis. Hein. Donc, prenez comme vous voulez. Faites-en ce que vous voulez. Voilà. Donc, en marche depuis 2003. Qui signe maintenant, je crois, chez Relapse Records. Ah, j'avais une question, ça. C'est important, ça. Ouais, parce que ça peut être des références. Ah ouais. Moi, par exemple, j'ai Napalm Records. Ouais. J'avais Records, qui est... Dès que je vois ça, je me dis, ah, ça peut être pas mal. Ouais, moi, je le mets pas, justement. En fait, je le notais pas à chaque fois, parce que je me dis, ah, je sais pas. Autant, je suis d'accord avec toi, pendant une époque, tout ce qui était Roadrunner, machin, ou même... Au moment maintenant, Roadrunner. Bah, mais ils ont même signé Queen of the Stone Age à une époque, Roadrunner. Non, non, mais... Primus. Ou Nuclear Blast. Non, je confonds. C'est Interscope. Ou Nuclear Blast, je... Qui ont signé, c'est... Mais après, comme il y en a tellement de petits et que tout le monde devient plus ou moins... Tu vois, oui, par exemple, Burning Heads, ils ont leur propre truc maintenant. Ils sont devenus... Mais enfin, ça m'a... Non, mais après, moi, c'est juste... je dis... Non, en gros, par exemple, je te demande à toi, est-ce que toi, t'aimerais que je le mette dans les miennes? Parce que tu dis oui, ça peut... Ah, tu fais comme tu veux, je le mets pas tout le temps, moi. Très bien, bah, écoute, si on peut pas discuter... Non, mais après, tu... Allez, je... Bah oui, mets-le. Ah bah d'accord. T'as pas le choix, mec. C'est pas ce que je dis, mais toi tu me dis ouais, moi j'aime bien le savoir parce que... Bah après, ouais, pour moi ça peut être une référence. Si tu te réfères, enfin moi ça m'arrive des fois de prendre un album, je connais pas le nom du groupe, je connais pas du tout ce qu'ils font. Je regarde, je fais, ah, ils ont signé chez eux. Donc peut-être qu'éventuellement ça peut être sympa. Donc du coup, je vais aller écouter. Et si ça me plaît, enfin tu vois, c'est une façon aussi de découvrir. Non, ça, je suis d'accord avec toi, mais quand tu vois un groupe, si par exemple sur une carrière change beaucoup de trucs. Ah, de label, tout ça. Bah ouais. Ouais, non, bah après, tu sais, label rouge, tout ça, genre rien à secouer. Mais après, voilà, je te dis, si c'est un truc que je sais que derrière, comme Napalm Records par exemple, tout ce que fait Napalm Records n'est pas forcément de mon goût. Non, je crois qu'il y a des trucs. Oui. Non, je sais pas. Mais derrière, il y a certains trucs qui vont être sympas. D'accord, non, mais je discute. Comme on prépare pas les trucs avant, on en parle pendant l'émission. Bah, c'est bien d'en parler. Bah, c'est pour ça. Et nous en parlons. Donc, pour tu disais... Nous avons testé pour vous. Donc, je disais, Baronesse, hein, on est toujours sur Baronesse. Oui, tout à fait, excusez-moi. Hein, ils ont 4 albums studio. 4 pépites. Tu veux faire ma chronique à ma place, hein, c'est simple. Donc, le Red en 2007, le Blue en 2009, Yellow and Green en 2012... Et bien sûr, il y a 2 disques, hein, forcément, le Yellow et le Green. Ouais, pas mal. Le Purple en 2015. Il est Ren ou pas? Non, pas vraiment. En plus, ça n'a pas vraiment de sens, ce que tu racontes. Purple Ren? Ouais, non, mais il n'est pas Rain. Purple. Ah, il peut être... Purple Rain? Oh la vache! Tu l'avais pas? Si, si, non, je l'avais, mais alors... Je me perds totalement dans tes conneries. Et donc, EP... Partout, tu vas finir par te casser la gueule, mon gars. Je comprends. Et donc, EP et single. Alors, c'est là que c'est sympa. Enfin, moi, personnellement, j'ai rigolé. 2004, First. 2005, Second. 2007. Four. Ah non, bah non. Third. Ouais. Ah, parce que je croyais qu'il y avait un piège. A Grey Thing in a Flower Husk. Wow. Voilà. Et pour revenir aux premières blagues, en 2010, ils ont fait... Four. Eh ben non. A Horse Called Golgata. Ils n'ont pas de cohérence. Non, ils n'ont aucune cohérence. C'est même pas drôle. Ça me fait bugger, moi. En tout cas, ça me fait pas rigoler. Donc, le groupe est formé en 2003 par les membres du groupe de punk metal. Et ouais. Tous les membres. Bah, je sais pas trop. Apparemment, il y a quelques membres d'un groupe de punk metal. Mm-hmm. Johnny Welfare and the Paycheck. Ouais. Donc le chanteur John Beasley, donc ce qui n'a strictement rien à voir avec avec un nom d'acteur porno. Ah putain, ah, je voyais pas où tu voulais venir. John Beasley développe l'artwork des albums de Baroness, mais aussi celui d'autres groupes comme Dark. C'est John Beasley. Oui. Tu peux le dire dans l'autre sens pour voir ce que ça donne. Les Baise. Non, mais le nom et le prénom. Beasley John. Vas-y. Oui, Vas-y. Ouais, parce qu'en plus, forcément, tu prends le ton, quoi. Tu dis pas Beasley John, tu dis Beasley John. Tiens, pour l'exclamation. Allez, mon gars. C'est son nom. Moi, je ne me permettrais pas, genre de. Ouais. En même temps, si tu vas aller voir. Beasley. Tiens. Oh non, c'est nul, je me casse. Ce podcast, ça a changé, c'est n'importe quoi. Ah, ça a bien changé, ouais, depuis le 1. Un an plus tard, c'est une catastrophe. C'est... Et on s'en fout. C'est vrai. Donc, alors, je disais que John Beasley développe l'artwork des albums de Baroness, que je les trouve pas... C'est bien fait, mais moi, je les trouve pas ouf. Quoi. Alors attends, parce que je vois pas du tout. Enfin, moi, ça m'attire pas. D'accord. Je trouve pas ça beau, je trouve pas ça esthétique. Tu tenais à le préciser. Ouais, ça, non. Par exemple, ils se ressemblent, tous les quatre se ressemblent, tu vois. Pas se ressemblent, pas forcément, mais alors... tu vois bien que c'est le même qui a fait les pochettes. Au moins, ils ont un style. Ah bah, ils ont un style, voilà, c'est ils sûr. Ils ont un style et ils sont dans la cohérence des uns des autres. De après, couleurs différentes, et voilà, forcément. Oh, c'est une forme d'art, après, voilà. Ouais. Donc voilà. Mais aussi celui d'autres groupes comme Darkest Hour, The Ritual, Kileza, Gen Z Strong, Daughter, Torch, Gvelartek, et Peak Destroyer. Gvelartek que j'avais vu en première partie de Metallica. Tout à fait. Que je n'avais pas vu en première partie de Metallica parce que je suis arrivé trop tard. Ah oui. Que j'avais bien écouté avant. Ah oui, d'accord. Oui, donc quelque part, toi, t'aimes pas. Peak Destroyer. Mais beaucoup de gens aiment. Alors, mec, je m'en fous. Après, on se sent minable ou pas? On est 7 milliards sur Terre, mec. C'est pas 8 gars qui vont me... Ah, t'as les stats, hein. Moi, j'ai pas les derniers. T'as le référencement. Bon, écoute, on me l'envoie par mail. 7-1. C'est exactement ça. Alors, c'est ça, justement, c'est que Baroness est pour moi un dilemme, dans le sens où je sais que je pourrais apprécier ce groupe, voire même bien aimé. Mais là, non. J'y arrive pas. J'ai même, pour ma part, l'impression d'écouter de temps en temps un mastodon un peu timide, tu vois. Et j'ai aussi des moments l'impression d'écouter de l'électropop. J'ai trouvé ça à moitié chelou. Donc les mélanges, pour moi, ça me j'ai l'impression que t'avais déjà dit un peu la même chose l'année dernière. C'était avec les petits sons de clavier ou je sais pas quoi qu'il y avait à l'intérieur. Je me rappelle d'avoir dit ça l'année dernière. Mais en vrai... Autant l'année dernière, j'étais assez d'accord avec toi, autant pour avoir écouté depuis, je trouve que justement ces intros ou les petits passages, ça gêne beaucoup moins parce qu'il y a quand même un truc, quoi. Le chant passe bien, Moi, le chant, tu vois, il me touche pas. Je vois que le mec est sincère, tu vois, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il chante et tout ça, même les gars sont sincères, mais je sais pas, j'y arrive pas. Moi, je suis pas aussi catégorique que toi. Il y a 2-3 morceaux que j'ai bien aimés. J'en suis pas à aller voir le groupe, mais c'est vrai que maintenant, je l'ai un peu plus dans... Il est plus positif pour moi que l'année dernière déjà, tu vois. Voilà. Ça me dérange pas d'en écouter, tu vois. Tu vois, j'ai réécouté Shock Me, je crois que c'est celle-là que t'as mis. Ouais. Bah moi, ça me parle pas, quoi. Je sais pas, une fois que t'as dépassé les 3 coups de piano de synthétiseur de merde au début, après ça marche bien, je trouve que c'est un peu énergique. Ben moi c'est justement le refrain, choc mais, ça me parle pas du tout quoi. Ça passe, ça me déplaît pas. C'est mainstream je trouve. Alors c'est un peu mainstream mais pas trop. Ouais c'est ça. J'avais pas d'autre argument. C'est le côté mais pas trop moi que j'aime bien. Ouais, mais je dirais pas que c'est autant mainstream que ça, moi, ça me... Non, moi, j'accroche toujours pas, hein. Mais il y a un truc, tu vois, qui peut faire que... Mais pour l'instant, non. Et dans ce que t'as écouté quoi, au juste? J'ai écouté quasiment tout, j'ai écouté le bleu presque en entier, j'ai écouté beaucoup de tous les autres, en fait. Ah ouais, ce compte familial a changé ta vie. Oui, tout à fait. J'ai pas tout écouté, moi, donc j'aurais pas assez de... Mais c'est vrai que, par contre, d'un morceau à l'autre, je suis pas méga emballé, mais je suis pas totalement fermé. Par contre, je pense qu'en live, ça doit être sympa. S'il y a une bonne énergie, ça peut être... Moi, ça me donne pas envie d'y aller, tu vois. S'il y a autre chose, en même temps, j'irai voir autre chose en même temps, genre un truc comme ça. Oh, T'irais plus voir Trust que ça? Mais il passe pas cette année de toute façon. Oui, mais c'est pas la question. C'était la blague. Non, c'est pas une bonne blague. Bon, oh, ça va, c'est la mienne de toute façon. Moi, ça me fait rire. Tu vas perdre nos auditeurs à transformer les références. On est perdu dans le continuum espace-blague. Il est... Oh non, mais il y en a encore à ce temps-là. Attends, ça fait 49 minutes. Ah ouais, ah bah excusez-moi. Encore au moins le premier donc tiers. Je tiens à m'excuser. Je n'irai pas pour voir les conneries que je raconte depuis bientôt un an, hein, dans une semaine. Enfin, sur la semaine. Mais je m'en fous parce que je continuerai. Alors, attends, oh, moi, si je veux, je range tout le matos et tu continues pas, mon gars. Ah, vas-y, fais-toi plaisir. Je vais faire avec mon téléphone. Alors, donc, bonsoir et bienvenue. Donc, tu recommandes pas ce groupe? Si, non, je peux recommander le groupe, mais pas de ma part. D'accord. De la tienne, éventuellement. Ah, je dirais peut-être... Ouais, Jack, il aime bien Baroness et tout, allez voir avec lui, ça peut être bien. D'ailleurs, t'as dit tout ce que tu avais à dire ? Oui. Parce que je voulais... troisième venue au Hellfest, 2008, 2017 et 2018. Merde, je me rends compte que j'ai oublié de dire un truc qui était... Erratum ! Et Plum. Ah non, j'ai déjà fait. Burning Edge, j'ai oublié de dire un petit truc important. Je reviens dessus juste parce que c'était au moins à saluer. Avec les copains de Uncommon for Mars, lors de la tournée Incredible Reg Machine Tour, les deux groupes ont effectué 50 dates en 50 jours. Ce qui fait l'équivalent d'une date par jour. Ouais, mais c'est quand même pas mal. Dire, donc du 17 mars au 6 mai, ils ont joué tous les soirs. C'est un peu impressionnant, je trouve. Ouais, bah après, ça va, quoi. 50 jours. Ouais, bah après, ça va, quoi. Non, je sais pas, je m'en rends pas compte. Chapeau, les mecs. Bah, plus ça va, et moins les gens jouent tous les soirs. Hein. Ah non, mais c'est complètement vrai ce que tu racontes. Donc, et même certains groupes, arrivés à un certain âge, laissent une journée entre deux pour se remettre. Genre, Cœur Kamet. Eh hey, oh, tu parles bien, d'accord. Tu parles bien, d'accord. Ok, donc tu ne recommandes pas. Que dire, je ne sais pas. Peut-être si, que sur scène, dit, voilà, mais c'est tu, ça. Mais c'est tu ça. T'as pas. En fait, voilà, c'est ça que je voulais dire parce qu'en plus tu m'as coupé la parole, espèce de petit salopio. C'est que s'il y avait rien, j'irais peut-être jeter un œil pour ne pas rester campé sur ma position de sale de moi-même. C'est ça. En même temps, si t'as tout écouté, ta position elle est déjà faite. Pas forcément, je sais pas ce que ça donne en live. Ouais, mais ça, tu crois que le fait de les voir en live, d'aimer en live, va te dire, hey, non, je vais pas réécouter derrière, mais je veux juste. Peut-être éventuellement désacraliser le truc en essayant d'équilibrer un petit peu, tu vois. Non, mais je pense que tu as raison. Il y a un truc, c'est ce que j'ai dit au début. Voilà, c'est que t'aimes pas, tu vois, que ça bloque. C'est un dilemme pour moi, dans le sens où voilà, je peux apprécier, mais j'arrive pas à trouver le truc. Non, mais je comprends, ça arrive. Et peut-être que le live, des fois, ça peut me dire, ouais, ok, d'accord. Why not? Pourquoi pas. Voilà, c'est ça. Non, mais d'accord, je comprends, et tu as tout à fait raison. Voilà. Je vais parler maintenant de Au-dessus. C'est le soleil? Alors c'est pas la meilleure des blagues, mais elle passe vu que moi j'en avais pas. Oui, c'est vrai. Donc en fait j'ai un petit C'est parcimonie au-dessus. C'est vrai, au-dessus c'est parcimonie. Enfin vous n'êtes pas obligé de nous raconter votre vie privée, moi j'en fous. Non mais il y a un plafond. Ah, au-dessus dans une autre pièce, pas d'accord, parce que moi j'ai ok. Contrairement aux apparences, au-dessus n'aura pas le droit à un cocorico. Eh oui, parce que je pensais que c'était un groupe français. Ouais, c'est comme Rendez-vous. Comme Rendez-vous. Mais c'est pas non plus un groupe anglais. Ou, déjà vous. Elle l'a déjà vu. Voilà. Car le groupe est lituanien, et plus précisément de Vilnius. Donc ils ont vu le jour... Arg. Peut-être. Non. Ils ont vu le jour en 2014, et il est constitué de Simonas, Jokubas, Mantas et Djugas. Hey, ça doit être des noms... Et Babas. On connaît tous un Babas. Ça doit être des noms lituaniens. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dans l'écoute de ce groupe. Je sais pas pourquoi, mais j'avais pas envie. Mais j'étais un peu. Ah, j'ai pas. Ah, si. Tu peux me donner le nom? Au-dessus. Ah bah, je suis con. Bah, un peu, oui, je sais pas. C'est dur à se rappeler. Bah oui. Parce que tu veux aller l'écouter? Oui. Bah, attention. Voilà. En fait, je sais pas pourquoi, vrai. J'avais pas. Ça arrive des fois quand tu t'y ressors des groupes, il y en a que t'as envie d'écouter et d'autres moins. Et au-dessus, je sentais que ça allait être un truc de black metal. Ah ouais? Ouais, je sais pas pourquoi je le sentais. Mais je pensais que c'était français par contre. Et j'avais pas envie, donc j'ai reculé vachement l'échéance. Et donc du coup, j'ai écouté. J'ai pas beaucoup écouté. Donc ça, c'est le premier point. Donc quoi qu'il en soit, j'ai pas assez écouté, c'est sûr. Ouais. Donc je vais quand même reprendre là où j'en étais. Ah merde, j'avais marqué qu'après les quatre prénoms, j'avais dit je vous laisse digérer ça. Ah, je ne l'ai pas fait. Flûte, vas-y, remets. Je recommence. Vas-y. Il est constitué de Simonas, Jocubas, Mantas et Djugas. Je vous laisse digérer ça. C'est épicé, ça va. Après un premier EP éponyme sorti en 2015 sur un label polonais, Sarunas remplace Djugas. Ah bah oui, forcément. C'est la base. Mais moi, je pense que ouais, il ouais. a raison en même temps. Bah c'est ça. En 2017, le groupe signe chez les Acteurs de l'Ombre. D'accord. Un label qui se définit par la phrase suivante sur son site. We are a French underground black metal label. Voilà. Qui est d'origine... Pas française. D'accord. We are a French. Oui, oui. Mais le mec, il le marque en anglais. Mais c'est... Non, non, mais après, tu sais, ils peuvent très bien ne pas être français et dire ça pour faire genre... Enfin, tu vois, et ils le mettent en anglais. Ouais, voilà. Les mecs sont bien. Bah ouais, les mecs sont loin. Ils... Hein. Ah, mecs sont totalement. Très loin. T'imagines même pas. Donc c'est sur ce dernier qu'ils sortent leur album End of Chapter, chapitre de fin. Où chaque morceau... Je parle l'espagnol comme toi, mec. Hein. Comporte un numéro. Mais un numéro, tu sais, pas un numéro. Un numéro avec des bâtons. Ah ouais, sympa. C'est sympa. Mmh. Donc la musique du groupe ne s'imite pas à du pur black metal. Oui, parce que c'est un groupe de black metal, je l'ai dit sans le dire. Oui, du pur black metal et incorpore également du sludge et du post-metal. Alors personnellement, ça, oui. c'est important. Si je devais aimer du black metal, au-dessus en ferait partie. La musique servant principalement à créer une ambiance, ne se limitant pas à un chant black metaleux et arrivant parfaitement à créer quelque chose qui fait écho en moi. Ça m'a fait un peu penser aux autres, aux différents groupes de black metal. Je dis tiens celui-là j'ai bien aimé parce que ça je sais pas pourquoi. Genre j'arrive même pas à expliquer pourquoi j'aime bien, mais quand j'écoute ça marche quoi. Et ce groupe fait partie. Rémi, c'est pareil. C'est ça. Mais on en reprend. Et pour peu qu'il y ait un petit peu une petite sauce cocktail. Oh là là. C'est qu'une fois, j'ai acheté du surimi où il y avait une sauce marocaine ou un truc comme ça. Je l'ai jamais retrouvé. C'est une tuerie. Sérieux ? Une tuerie, mon gars. J'en dans les sachets ? Ah ouais, ouais. Ouais, mais ça, c'est toujours aléatoire. Ah putain, c'est horrible. Pas à la manière de Saur dont j'ai déjà parlé, qui me faisait totalement voyager, oui. mais plus dans le côté que j'arrive à en trouver autre chose. Là, c'est plus comme une bande-son de certaines humeurs ou pensées. Si je devais faire un parallèle, je prendrais celui du concert où quand il y a des pogos et tout ça, en fait, c'est toute l'énergie que tu ressens qui va exprimer ta violence, ta colère et tout ça. Mmh. Et en fait, là, ça serait plus une espèce de bande originale de tes pensées et de tes ressentiments un peu, parfois un donc peu on, triste. On est plus sur le psychologique que sur ouais, le physique. Complètement, ouais. Parce que la musique, elle se prête pas à un truc... justement énergique, c'est vraiment un truc de ressentiment. Mmh. Et c'est vraiment comme ça que je l'ai pris. Et c'est un peu ce que j'ai essayé de te dire des fois dans certains trucs de black metal qui passaient. Surtout que là, le chant ne se limite pas au cri black metaleux. Il va des fois être un peu plus clair et un peu plus énergique. Et même la musique va des fois un peu vers autre chose. Donc c'est beaucoup plus large comme spectre. Ça reste un groupe de black metal, mais qu'un spectre plus large. Parce que les mecs, quand même, jouent en capuche sur scène et tout ça. Mm-hmm. Mais moi, ça a vraiment... tu sais, en plus, j'ai écouté ça en bossant du matin, donc j'avais vraiment la gueule dans le cul et fatigué. Et dans ces moments-là, j'ai plutôt tendance à être déprimé. Moi, il ne faudrait pas me faire signer des papiers le matin, genre, est-ce que vous acceptez de mourir ? Oui, et je signe trois fois. Le matin, je suis dans un sale état. Et ça venait s'équilibrer avec ça. Autant des fois, tu as besoin d'un truc énergique qui t'emporte et qui te donne de la pêche, autant là, ça faisait... Tu sais, un petit peu comme quand t'écoutes certains groupes de musique planante et tout ça, sans être du métal, mais qui correspond avec une ambiance un petit peu mélancolique et tout ça. Et ben à leur manière, au-dessus, ça faisait écho de cette manière-là en moi. Mm-hmm. Tu vois, sans être aussi calme, mais et sans respecter tous les codes du black metal, en étant beaucoup plus ouvert. Et je crois, d'après ce que j'ai pu me renseigner, mais alors j'en suis pas sûr parce que j'ai pas assez de connaissances en black metal, mais que justement, c'est plus ce qu'on appelle le post-black metal. Et une autre variante, en fait, une variante qui rentrerait un peu dans ce que j'aime, moi, du black metal. Cette côté, une certaine noirceur, en fait, mm-hmm. mais qui va parler à quelque chose qui n'a pas besoin d'être true black metal et d'avoir un son dégueulasse, un ouais. cri dégueulasse, qui est un peu plus ouvert que ça. Alors, effectivement, il y a certains parties de chant qui sont... comme ça, j'ai pas à le nier parce que ça serait un peu. Bah oui. Mais moi, j'arrive à aller au-delà dans ce que j'écoute. Au-dessus. Au-dessus, du coup, largement au-dessus. Et donc, j'aurais tendance à recommander ce groupe à ceux qui ont envie d'écouter quelque chose d'autre. Voilà. Pas forcément à toi parce que t'es pas dans ton, c'est pas dans ton délire et que je sais que dès que t'entends un peu une voix black metaleuse, ça te bloque et que t'as du mal un peu à dépasser ça. Ouais. Là, c'est C'est un peu comme je t'avais dit pour Sort, tu sais, il mettait la voix black metal un peu en retrait. En retrait, ouais. Ouais. Ouais, j'avais bien calculé ça. Mais là, c'est pas tout à fait ça, tu l'entends, mais il n'y a pas que ça. Voilà. Mais après, après, j'irai écouter, j'irai voir. Je te ferai écouter tout à l'heure, hein, tu verras vite fait. Voilà. Mais donc, du coup, moi, j'ai bien aimé. Par contre, j'ai pas regardé où ça joue. Ça doit jouer en hauteur. J'en peux plus. Voilà. Ça me donne envie de boire. Elles sont à tes pieds. Ah, je sais qu'elles sont à mes pieds. Où veux-tu qu'elles soient? Au-dessus. Ah voilà, elles sont à mes pieds. Alors, au-dessus, ils ne trouvent pas. C'est pas ça existe Excusez-moi. Pas Excusez-moi. Au-dessus. Au-dessus. Bah, alors, je vais meubler. Attends, non, c'est bon, j'ai. T'as Ah, il y a un truc qu'on n'a pas dit aussi. News du Hellfest. Il semblerait que Electric Marie ait annulé sa venue. Ah oui, effectivement. Donc, putain, j'ai vu ça. Bah oui, mais on l'a pas. Même le groupe n'a pas. Enfin, même le fest n'en a pas parlé. Donc. Ouais. Donc voilà. Si j'ai vu ça, moi. C'est moi qui l'ai dit. Ah bah c'est ça. Donc j'ai vu ça. Dans ma bouche. Ouais, c'est ça, sur tes lèvres en fait. Voilà. Au-dessus, temple dimanche. Voilà. Ok. Voilà. Merci à toi. C'est un plaisir. Mais partagez. Je vous en prie. Mais c'est moi. Peut-être arrêter là. Tu vas? Oui, tu peux. Bah, écoute, oui, bien sûr. Très bien. Tout à fait. Avec plaisir. Ouais. C'est moi. Donc, j'avais. ça manque d'énergie là. Ah, allez, coup. Go! Allez, putain, on se réveille. C'est bon, on n'est pas sur planète 1. Hein. Ouais. Oh. J'ai pas dit. Non, ça, c'est pas beau. J'ai pas dit. Ça, c'est vilain. Donc, moi, j'avais en deuxième groupe de tirage au sort. Benicted. Oui, je m'en souviens. Et donc, qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là? Bah, on dit pas Cocorico. Bah, si. Ah bon? Bah, ouais. Ah, je savais pas. Oh merde. Eh ouais, mec. Cocorico. Ouais. D'accord. Et ouais. Très bien. Il joue à Altar le vendredi. Benicted. Ouais. Cool. Eh ben Cocorico ma gueule. Donc c'est du brutal death metal. Ouais, c'est vrai ça. Voilà. C'est du death metal, du death grind, du deathcore, grindcore. Du pig metal. Voilà. En gros, c'est ça. Depuis 1998, ils ont 7 albums à leur actif. Oh, putain. C'est des mecs, ok, d'accord, ça plaisante pas. C'est, ouais, c'est des mecs aussi qui sont restés assez discrets, parce que vu que moi, j'en ai pas entendu. Ouais, bah après, ouais, assez, mais c'est plus la scène underground. C'est vrai, coup, on n'est pas dans l'underground. Pas, voilà. Moi, j'écoute la radio. Donc, au premier abord, Benicted est exactement ce que l'on écoute pour ma part. Comme j'aime à le dire, j'ai poussé l'écoute un peu plus loin. Parce que c'est vrai que quand tu écoutes les premiers. Je sais pas, n'importe quoi, tu prends n'importe quel album. Ouais. Ça, voilà, hein, n'étant pas dans le truc, donc voilà. C'est vrai ce que. Et j'ai aimé ce que j'ai entendu, bon, en tout cas. Outre le chant à la limite porcin. Ça, moi, ça. Hein. Oui, ça, c'est particulier. Musicalement, c'est super varié. C'est ce que tu m'as dit. Ouais. C'est vrai. Échangeant avec une énergie ultra présente, parsemée de petits passages calmes. Mais toujours aussi efficace et énergique. Quand même, on sent une certaine énergie, même dans les passages cool. Mmh. Voilà. Les mecs envoient du lourd. Bien sûr, j'ai souri à la première écoute, forcément, parce que je suis pas du tout du truc, quoi. Donc, ouais. J'ai écouté, je fais, oh putain, c'est quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai que ça fait un peu. Ouais. Et en fait, j'ai écouté une bonne partie de leur discographie. Quand même. Ouais, bah ouais, parce qu'en fait, j'ai bien aimé. Parce ouais, qu'ils ont une. Au début, c'est vraiment ce que tu entends, c'est ouais. Ultra violent, enfin, ouais, c'est le chant porcin avec bah ouais, les échanges de voix. Enfin, moi, ça me fait marrer, les échanges de voix. Et du coup, voilà, ça bouge, vraiment, ça bouge tout le temps. Quoi. Mm. Musicalement, c'est ultra varié, quoi. Tu te fais pas chier. Quoi. Vraiment, quand tu écoutes Benicted, tu te fais pas chier. Quoi. Et plus vers la fin, ce que les premières écoutes, en fait, parce que je crois que j'ai dû écouter vers les derniers albums, j'ai vu des moments un peu hardcore. Ouais. C'est avec des moments bien posés hardcore. Donc après, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Alors du coup, c'est ça qui m'a donné envie de plus écouter, parce que ça part sur vraiment un brutal death, limite grind, de grindcore. Et d'un seul coup, ça va partir sur autre chose. Et ça, enfin, vraiment, c'est ultra varié et j'ai vraiment adoré, quoi. Et je pense que j'irai les voir si j'ai l'occasion de les voir. Ah, carrément. Bah, je te l'ai dit, Altar dimanche. Hein. Voilà. peut-être ton premier concert Alta, hein. Non, ce serait pas le premier, mais... Excuse-moi. Non, mais je ne m'énerve pas. Non, mais je vois que t'es après, je veux dire, parce que là, on enregistre, donc oui, je fais après, le mec sympa. Après, on réglera là les voilà, comptes, j'ai... après. Tiens, on a plein de canettes à péter sur la tête, ça va être sympa. Il y a de quoi faire, rassure-toi. Voilà, donc, si vous voulez voir de l'énergie brutale à l'état pur, et si vous n'avez pas peur de prendre des coups dans les pogos, allez c'est voir sûr. Benicted sous la halter. Sous la halter. Le gros manche, c'est ça? Le gros manche, oui. Ouais. Moi, t'as vu cette news de merde? T'as pas vu ça? Notre président? Je suis pas au courant. Christophe Salengro? Qui est décédé? Le président du Groland? Ah, ça! Oui, donc... Ah, ça, putain. Ah, je l'avais pas dedans, je comprenais pas où tu voulais m'emmener. Oui, notre président. D'accord, oui. Oh, pff, triste. Oh là là. Bah oui. Je suis en deuil. Pareil. Oui, c'est ça. Moi, pour ma part, de ce que j'ai écouté, c'est vrai que musicalement, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Par contre, le chant porcin, moi, m'a fait sortir plus d'une fois de l'écoute, en fait. Ça m'a fait sourire, moi. Bah, moi, en fait, moi, parce que j'étais vraiment dans le morceau, et puis des fois, t'entends ça, tu fais oh. Donc, moi, ça m'a. Des petites dégringolades. Mais ton enthousiasme m'a donné envie d'en écouter plus, mais je n'ai point eu le temps de le faire. Donc, tu le recommandes, ce groupe? Oui. Ah, et bien, tu vois. C'est jamais vraiment évident de dire je recommande parce que si parce qu'un groupe que t'as envie en gros comme tu l'as dit un groupe que tu es prêt à aller voir c'est un groupe que tu recommandes pour moi oui parce que genre autant mais après ça dépend des gens c'est toujours pareil mais tu t'en fous les gens ils écoutent tout, s'ils écoutent Rod to Hellfest parce que quelque part ils nous aiment bien donc ils ont envie d'avoir nos avis qu'est-ce qu'il a dit Nico j'ai eu envie d'écouter vos trucs même si je suis pas toujours d'accord voilà c'est l'idée vrai. Donc Benicted tu je le recommande voilà cocorico voilà très bien à moi. Alors, j'avais cette semaine comme groupe Hatebreed ou La Haine du Pain. Faut pas faire ça. Tu refais jamais ça, c'est vrai. Bah, ça fait mal. C'est quand même mieux que La Haine de la Race, parce que c'est ça que ça veut dire. Oui, bah oui, oui. Alors, Hatebreed est un groupe de metal hardcore de Bridgeport dans le Connecticut, formé en novembre 1994. Le groupe, influencé par le thrash metal et le punk, est devenu pour beaucoup l'un des précurseurs du metalcore dans les années 2000. Alors je dois dire qu'au début, j'étais assez pas d'accord avec ça. Dans le côté, je voyais pas le côté metalcore dans le groupe. Et en fait, le metalcore doit être une comment dire, une version, le futur du hardcore. Parce que pour moi, quand j'écoute Hatebreed, j'ai vraiment l'impression d'écouter du hardcore. En fait, quand t'écoutes bien, tu peux voir effectivement que c'est pas que du hardcore, que ça va un peu plus loin, mais j'aurais pas forcément dit du metalcore. Après, je ne sais pas moi l'historien de la musique, donc moi j'étais pas forcément d'accord. Après un premier EP assez oubliable, oh putain ouais, je l'ai écouté, on est loin du reste quoi. Ouais. Le groupe commence son ascension dès leur premier album en 97, qui contient déjà tous les éléments du groupe. Un son très propre et puissant, un groove dans chaque riff, le chant puissant et surtout entraînant de Jamie Jasta et chaque putain de titre que tu imagines taillé pour le live. Alors moi, c'est vraiment la particularité que ce groupe m'a fait ressentir. Tu sais, c'est déjà arrivé qu'on dise que tel ou tel groupe arrive à composer et on arrive à ressentir l'énergie. Là, je suis clairement sûr et certain que le groupe a dû composer dans des salles de concert avec du public. Parce que chaque titre de Hatebreed, tu vois que c'est taillé pour le live, quoi. Vraiment tout et que tu as l'énergie, quoi. T'as chaque riff qui est bien posé, la batterie qui est énergique et le chant qui pourrait mais réveiller des morts quoi. Je vois pas comment on peut rester genre statique devant Hatebreed tellement le mec donne tout ce qu'il a quoi. C'est hallucinant quoi. Donc j'imagine même bien le chanteur arriver avec ses lignes de chant et le reste du groupe venir poser leur riff à la cool. Tu sais genre bon là j'ai fait une chanson et destroy everything. Et le mec venir après essayer de trouver des riffs tellement il vient foutre son. C'est hallucinant, je trouve, ce qu'il vient rajouter derrière. Quoi. Ça a hyper marché sur moi. Quoi. Donc, chaque couplet servant à chauffer le refrain explosif, chaque pause précédant un pogo endiablé ou n'importe quelle phrasé de Jimmy va enflammer la foule. S'ensuit plusieurs albums, j'en ai compté 8 en tout, mais je ne suis pas sûr parce que, pareil, il y avait une espèce de truc chelou. Sur, ouais, je pense qu'ils en ont pas mal. Ouais. Bah, pas beaucoup plus, en tout cas. Moi, il y en a 8 c'est ou 9 max. Bah, sur 22 ans, quand même. Ah, attends, il y en a qu'on fait pire. Oui, c'est vrai. C'est pas ouf. Et tout au long, la même énergie chez le père Jasta ou le reste du groupe, où tu sens qu'il est là pour mettre le feu. Je n'ai pas noté de réelle évolution, par contre, dans le groupe, en dehors du son qui s'améliore d'album en album, passant de très gros et très lourd à encore plus gros et encore plus lourd. Donc j'ai pas trouvé, par contre, c'est vrai, de changement. Hein. Le groupe a démarré d'une manière et a continué en manière bulldozer tout le long du temps, mais c'est une machine à concert, quoi. Je vois pas, c'est hallucinant à quel point ce groupe est taillé pour le live, avec des morceaux faits pour le live, et que tu peux pas écouter ça à la cool, Ed Bread. Hein. Tu peux pas jouer dans ton canapé et dire, tu peux mettre un petit Ed Bread. Hein. Non, tu le fais pour aller faire du béton, quoi. Ouais. Tu fais pour aller, ah, faut pour aller abattre des arbres, pour faire des murs. Ouais, tu fais pour des bah non, parce qu'à un moment donné, faut être calme pour faire des murs. Ah oui, c'est ça. Non, faut pour aller péter du caillou, quoi. Tu mets des arbres, mais vraiment, c'est dingue, quoi. Et par contre, c'est un groupe qui a toujours été là, parce que enfin, j'ai toujours eu l'impression qu'il était là, vu qu'ils ont commencé en 94. Mm-hmm. Moi, j'ai toujours vu le nom circuler et je m'étais jamais plus que ça intéressé. Il y a plein de morceaux que je connaissais. C'est de droite, de gauche, et à chaque fois, j'ai dit, putain, j'aime bien, c'est cool et tout, mais j'ai jamais forcément trop approfondi. Et en fait, en approfondissant, bah, j'ai encore plus envie d'approfondir, mais je suis toujours dans le même... j'ai toujours l'impression, pas d'entendre la même chose, mais d'avoir le même engouement, quoi. Vraiment, c'est que de l'énergie, c'est que de la... Alors, je dirais pas forcément de la colère, mais vraiment de l'énergie et de l'entrain, et ce putain de chanteur qui est à fond, c'est... Ouais. C'est vraiment, pour moi, l'élément que tu peux pas remplacer de ce groupe, quoi. Autant les gratteux qui sont beaucoup changés au cours de la carrière du groupe, et même le batteur qui a changé même 3 fois, je crois, en un an ou un truc comme ça, tu vois pas forcément la différence, parce que c'est plus un... J'ai vraiment l'impression que ça fait genre le chanteur et son groupe qui vient faire l'accompagnement, quoi. Ouais. C'est plus qu'un vrai groupe en soi. Et petit fait amusant, le chanteur Jamie Zasta est un confrère. Et ouais, mon gars, il anime lui aussi un podcast. D'accord. Le Jasta Show. Ça sonne bien. Ça sonne bien. Voilà. Donc, Ed Breed, moi, je recommande. Moi aussi. Ça passera à la Warzone. À la Warzone. Étonnant. Hein. Samedi. Et, non, enfin, moi, je les ai vus sur Main Stage. Donc, Ouais, mais ils seront à la Warzone, ils seront bien. Oui, ils seront très bien à la Warzone. Et il n'y a pas un album que je recommande plus qu'un autre. Tout est bien. Ah, et... ça envoie du lourd, hein. Sur scène, c'est... Ah bah ça... Tu te prends une claque-claque. Ah bah c'est obligé, mais je pense que tu le mets tout seul avec une bande-son, il suffit, quoi. Le mec, il va tout seul avec son micro. Bah ouais. Le groupe, vraiment, se déchaîne, non, c'était vraiment bon. Bah, justement, je partais, moi. Je sais plus ce que j'avais vu, je partais. Ouais. Et quand ils ont commencé à jouer, je fais, ah, on va peut-être revenir, du coup. Mmh. Vraiment, j'ai senti une... Putain d'énergie, quoi, les mecs sont c'est des ouf malades. J'avais eu le même truc avec Suicide Silence, avec l'ancien chanteur qui est décédé. Et pareil, quoi, je fais, ah bah tiens, on va revenir, parce que les mecs étaient... Mais je suis surpris que t'aies pas un petit album dans ta collègue, c'est bizarre. De Ed Breed. Ouais. Ouais, non, mais pareil, mais en fait, j'ai tellement de trucs que j'aimerais m'acheter, tellement que le compte y suit pas, que je pourrais pas... Non, mais parce que ça me semble être un groupe que tu... Franchement, ouais. J'en écoute de temps en temps, dans certaines compiles ou certaines playlists, tu vois, qui passent comme ça, et c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai dit, hey, putain, c'est bon. Ah ouais, non, c'est efficace à fond, quoi. C'est top. Je recommande plus. Ouais. Voilà. À vous, jeune homme. Bravo à toi. Pourquoi ? Je sais pas. Merci. Je peux pas dire. Donc, moi, j'avais L7. Alors, je n'ai pas la signification du L7. Ça arrive. Tiens, à chercher. Oui, bah... Pourquoi pas L7 ? L7, pourquoi L7, tiens ? Je ne suis pas fait la réflexion. On s'en fout. Ah bah, c'est un peu con de te la faire maintenant. Tu aurais pu te la faire avant. Donc, groupe états-unien, comme j'aime à le dire, de grunge, hard rock, metal alternatif, punk rock. Car grunge is not dead. Oui, c'est sûr. Actif de 1985 à 2001. Voilà. Ah bah ça, les Twin Towers, ça fait beaucoup de mal. Hein. Voilà. Non, ils sont revenus. Ah, ils sont revenus ? Ouais, bah, ils sont revenus. Ah ouais, d'accord. Et depuis 2014. Hey, donc c'est cool. Un groupe de Los Angeles, Californie. Ils sont pas de Seattle ? Non. C'est pas du vrai grunge. Los Angeles, Californie. Bah non, c'est le mélange punk rock, grunge en fait. C'est pas loin, hein. Seattle, la Californie. C'est en scoot. Ouais, en scoot, c'est 1h36, je crois. J'ai vu sur Google Play Maps, parce que c'est pas loin. C'est vrai. Tu passes par le bon vieux les petits pois, tu prends Il faut quoi t'as continué. Bon bah j'ai regardé. Donc, elles ont, parce que c'est elles, elles sont quatre. Quatre nénettes. Donc, six albums studio. Putain, vache. Ça sont des pièges évoratifs. Comme ça. Donc, c'est quatre nénettes. C'est vrai, voilà. Oui, c'est vrai. Oh, disons, salaud. Non, on n'a pas du tout, en fait. Désolé. Donc, elles ont six albums studio. Voilà. Pour ma part, comme j'aime à le dire, j'ai connu les L7 en 94 à la sortie de Hungry for Stink. Voilà. Très bien. En général, quand on connaît un peu le milieu punk, tout ça, qu'on a été attiré à notre adolescence et qu'on est des années 80, on a connu les L7 à cette époque-là. Voilà. Ça n'avait pas fait mouche déjà à l'époque, pour ma part. D'accord. J'avais pas trouvé ça jobard. Eh bien, les années passent, on prend de l'âge, beaucoup de maturité, on devient beaucoup plus tolérant. C'est vrai ce que tu dis. Mais pas toujours. Non. J'ai réécouté L7, ça n'a pas changé, ça fait toujours pas mouche. D'accord. Je ne dis pas que je trouve ça à chier, mais en 6 albums et 32 ans d'existence, t'écoutes le premier album et le dernier album. Est-ce que je peux... Vas-y. Alors, est-ce que je peux me permettre... Apartheid. On a dit... pas Apartheid. On a dit... Non, bah non, c'est plus trop... Non, ça... C'est plus l'actualité. C'est une aparté. C'est une aparté. Donc, on a dit Seattle vers la Californie. Mm. Donc, j'ai pas en scooter, mais j'ai en voiture. Donc, il y en a pour 14 heures. Et 1400... mais en passant par Bonvieux les petits pois, c'est plus court. 1422 km. Eh ben, c'est bien. C'est pas loin. Bah, ouais. Oh, ça va, ça se fait bien. Il fait beau en plus. Tu peux faire un petit détour par le Nevada pour faire 16h21. Ouais, mais ça te rallonge du coup. Bah oui, du coup, oui, mais tu fais Nevada, Oregon. Ouais, mais c'est joli. À cette saison, je veux dire, faut y aller. Ils ont un jus de pomme là-bas en plus, délicieux. Non, mais moi, au final, je me demandais, tu mets quoi comme carburant dans ton scooter ? Je pense que c'était un moyen de fistoler un tuyau avec une bonbonne à l'arrière. Tu sais, comme dans tout ce que tu veux. Oui, voilà. Très bien. Mad Max. Ah bah oui, Mad Max. Je cherchais la référence. Donc voilà, mais c'est bien, c'est de compléter un peu, comme ça la chronique dure beaucoup plus longtemps. Parce que j'ai pas grand-chose à dire en fait. Donc je disais que tu écoutes le premier album et le dernier album qui est sorti, je crois, en 2016, si je me trompe, ou 2017, je ne sais plus. Tu vois pas une grosse évolution dans le groupe, quoi. Voilà. Les nénettes ou Nana sont efficaces dans leur style punk grunge, je m'en branle et je fais ce que je veux, connard. Mais c'est pour vrai. Ma part, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas dit. Oui, j'aime noter aussi des trucs de merde. Qui passent pas du tout à la lecture. Le côté éternel ado en colère qui se lave une fois tous les 5 jours, ça passe quand t'es un ado en colère. C'est vrai. Mais pas quand t'as 45 balais. Balais et que tu es potentiellement propre. Oui, voilà. Surtout qu'en plus, moi, ce que je trouve dommage, en plus de ce que tu as dit, c'est que. Alors là. C'est dommage ce que j'ai dit. C'est ça, c'est ma chronique, c'est de la merde. Non, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Je me casse. Mais ce que je trouve dommage pour elles, en plus, c'est qu'aujourd'hui, elles n'ont plus du tout le physique qu'elles avaient avant. Et que oui. Autant ça pouvait marcher au début de leur carrière, le côté rebelle, machin. Ouais. Autant jusque-là, si on sait qu'elles sont toujours dans le même délire, ça ne fait pas du tout rêver. Et puis, j'ai vu le clip que tu as posté tout à l'heure. Elles font pas rêver. C'est pathétique. Hein. Non, c'est un peu. Après, contrairement à ce que toi t'en as pensé, moi, comme je t'ai dit dans la semaine, ça passait un peu. En fait, j'ai écouté quelques titres vite fait et ça passait. Alors, les titres que je connaissais de l'époque, leur fameuse époque, sont passés avec toujours le même. J'étais là, ouais, c'est pas ouf. Et les quelques titres récents, comme le clip que j'ai posté, ça passe sans m'arrêter, mais ça me gêne pas en fait. Je suis pas, c'est horrible. Je suis en mode, ouais. Ah, mais moi, c'est pareil, ça me gêne pas. Mais là, il a fallu que j'écoute. Oui. Et tu vois qu'il a fallu que j'écoute que du L7 pour faire Genre ça passe dans une playlist, je oui, un morceau. Oui, mais j'irai pas passer le morceau pour voilà, toi. C'est ça. Non, mais pour dire, t'irais pas non plus chercher à dire, c'est quoi ce bon groupe ? Dis donc, je m'en délecte. Non, surtout que, comme tu l'as si bien dit, les Esgourdes. Ce qui est sorti récemment n'apporte rien. Donc si t'aimais pas avant, t'aimes pas plus. Au final, elles sont pas non plus trahies. Après, va savoir pourquoi elles ont recommencé. Je sais pas. C'est ça la question. Peut-être déjà pourquoi elles ont arrêté. Après, tu peux pas reprocher un groupe. Déjà, pourquoi à la base elles ont commencé ? Parce qu'elles étaient grunge, en colère. Et qu'il n'y avait pas de groupe de filles. Elles étaient jeunes. Il n'y avait pas de groupe de filles. Non. Enfin, pas que je sache. De groupe que de filles de grunge à cette époque-là, je ne pense pas. Non. C'est vrai. Donc, c'est une bonne raison. Et Hanson ? Bah, c'était des garçons, je crois. Ah oui, effectivement. Bah, c'est pas grave, mais c'est... C'était pas du grunge. Déjà. C'était pas bien, mais c'était pas du grunge. On a même pas dit où est-ce qu'elle passe. Je pense qu'elle passe en main stage. Bah, comme la dernière fois. Bah oui. D'ailleurs, quand on les avait souviens vus... Souviens-t'en. On les avait vus de loin. On est parti. On n'est pas resté longtemps, bah, parce qu'on avait un truc à faire, je crois. Oui, partir. Main stage 2. Ah bah c'est la même que le... Ouais, Main Stage 2. La même scène que la dernière fois. Le dimanche. Voilà. Voilà, Main Stage 2. Pas le même jour par contre. Le dimanche. Très bien. Donc, Toi. Je vais parler de mon dernier groupe, hein, qui est un groupe que j'ai voulu partager avec toi. Tu t'en souviens? Oh, c'était trop bien. Alors, ce petit verre de vin. Mon prochain groupe m'a laissé avec une théorie. Et c'est la suivante. Attention. J'ai marqué attention. Écartage de bras. Je pense que Dave Lombardo et Mike Patton n'ont pas d'abonnement à Netflix. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, non, je pense. Ok. Ouais. D'accord. Moi non plus. Ah, toi non plus, t'en as pas ? Non. Ou toi non plus, tu penses qu'ils n'en ont pas ? Pareil. Ah, les deux, enfin, je ne sais pas. Et pourquoi je pense ça ? Ah, mais pourquoi penses-tu ça, eh ben, Jacques ? Tout ça, tout simplement parce qu'ils sont tellement occupés à faire de la musique dans plein de groupes différents que je vois pas quand est-ce qu'ils pourraient regarder un truc sur Netflix. Et que du coup, ça serait une dépense inutile dans leur budget. Et pourquoi toi, tu as un abonnement à Netflix ? Parce que j'ai pas 75 groupes, moi. Non, mais tu es bien occupé quand même. Oui, mais un bon épisode de Teen Wolf, ça mérite le temps que tu consacres. Va te plaindre après d'avoir des problèmes de l'oreille interne. C'est vrai, j'ai cru que ça me revenait cette semaine. Ah ouais, ouais, j'étais un matin au boulot, je suis putain, comme ça trois fois. Ah ouais. Et puis il y a Candyman qui est sorti. Sérieux? Alors, Dead Cross, car c'est donc le groupe sur lequel je vais m'attarder tout de suite, ouais. Et donc ce qu'on appelle un super groupe de punk hardcore, mais pas que, formé le 30 novembre 2015, le jour de mes 35 ans. Bravo. Merci. Formé donc de Dave Lombardo, batteur de Slayer et plus récemment de Suicidal Tendencies en tournée, du guitariste Mike Crane du groupe Retox que je ne connais pas, du bassiste Justin Pearson, The Locust, Edwin City and Retox que je ne connais toujours pas, le groupe se forme à cause d'un trou dans l'emploi du temps de Lombardo. Il n'avait pas de tournée à ce moment-là, donc il a formé un groupe. Le mec avait 12 jours de libre. C'est ça, j'avais entre 9 et 10, je me faisais chier. C'est ça. En fait, en gros, dans l'histoire, tous les trois ont participé à une démo que Ross Robinson leur a demandé chacun de leur tour, c'est-à-dire, bah, tu peux participer, c'est le démo d'un mec, machin. Et en fait, ils se sont rendus compte, hey, c'est cool, t'es là. Ils ont fait connaissance comme ça. Puis après, l'autre, il a dit, bah, j'ai 12 jours de libre, on crée un groupe. Ce qui est plutôt stylé, je trouve. Bah, c'est clair. Ils ont recruté le chanteur Gabe Serbian, donc The Lotus, Edwin City et Retox. Il faut vraiment que j'aille écouter ces groupes, ça fait trois groupes qui viennent du même truc. Après avoir sorti une chanson en 2016 qui montre ce que sera le groupe, à savoir du pur hardcore sans pression de musiciens qui n'ont plus rien à prouver, le groupe se sépare du chanteur. Je voulais te faire écouter la chanson, j'ai oublié pour que tu vois, ça n'a rien à voir. D'accord. Vraiment rien à voir. Ouais. De son côté, Mike Patton, qui vient de finir une tournée mondiale avec Faith No More, rappelons qu'il en est le chanteur, ainsi que celui de Tomahawk, Mr. Mungle et Fantomas, ils ont dépendu mon pendu. Fantomas. Ils ont dépendu mon pendu. Oui, tout à fait. Fantomas avec le sieur Lombardo. C'est pas ma référence, je suis désolé. Fantomas, il y a Lombardo aussi. Ainsi que 75 autres groupes à un ou deux près. De Funès aussi. Non mais... Ah oui, Mac non, Patton, bien sûr. Très bien. Donc Mike ayant donc entendu parler de Dead Cross, il propose à Dave de sortir l'album sur son label. Dave, en vieux pote, accepte, mais il lui propose en contrepartie de venir chanter dessus. Ah bah écoute. Écoute, Mike, arrivant à la cinquantaine, se dit qu'est-ce que je vais aller chanter sur un groupe de hardcore que j'ai plus que ça à faire. Bah ouais. Et pourtant, il dit d'accord. Il est fou cet homme-là. Donc, à la poubelle, toutes les sessions du précédent chanteur, et Mike a tout réenregistré tout seul dans son sous-sol avec de nouvelles paroles et sans aucune direction de la part du groupe. Ah ouais, carrément. Ouais, ouais, en fait, donc le groupe dit bah non, bah vas-y, tu réenregistres tout. Et c'est vraiment ce qui va donner tout l'intérêt à ce groupe. La base était un groupe de punk hardcore saupoudré d'éléments trash et heavy, et les pistes vocales particulièrement brutales et chaotiques de Patton viennent rajouter à l'ensemble un côté totalement décomplexé au groupe, avec parfois l'impression de ne pas toujours avoir le même chanteur d'une chanson à l'autre, voire de ne pas écouter toujours le même groupe, tant il a littéralement transcendé le matériel de base pour en faire quelque chose d'unique. D'ailleurs, je me suis imaginé que ce serait un super concept, un album déjà composé, que tu refiles à plusieurs chanteurs et tu vois ce qu'ils amènent comme un univers et le résultat que ça peut donner. Parce que là, franchement, quand tu écoutes la première chanson qu'ils ont d'abord sortie en 2016 et l'album aujourd'hui, tu te dis que c'est pas le même groupe, quoi. Et que des fois, une voix, c'est pas tout, c'est aussi ce que le chanteur peut amener. Et là, Patton, il a amené vraiment son univers, quoi. Quand je te dis que la voix... Non, mais que la voix, c'est important, c'est d'accord, mais là, c'est pas que la voix. Tu vois, il a vraiment... Mais oui. Là, par exemple, on a des passages assez lourds sur un tempo lent où il place sa voix en chant clair et c'est un côté presque planant pour exploser sur les refrains, alors que d'autres fois, c'est presque inaudible tellement il éraille sa voix et donne l'impression d'être dans l'urgence du moment. Alors, le mec aurait pu tomber dans la facilité de faire juste un chant hardcore tout du long. Non, lui, il a amené un truc et tenté des choses sur chaque chanson. Pour faire un parallèle, je dirais que c'est le genre de personne à tenter des styles de chroniques différentes. Tout ça pour arriver à la sortie d'un album sobrement intitulé Dead Cross, qui est sorti le 4 août 2017. Fait amusant, l'album ne dure que 28 minutes, et souvent on les engage pour des sets de 40. Donc pour leur tournée, qui va débuter à la suite de la sortie de l'album en août, ils n'avaient jamais encore répété ensemble, et vont donc devoir composer pour rallonger un peu leur temps de jeu. Spoiler, ils ont fait deux reprises, dont un certain Raining Blood. Donc vraiment, cet album, en fait, moi, Dead Cross, j'ai connu à plusieurs moments, en fait, parce que j'ai retrouvé certains morceaux dans des playlists, genre Nouvelle Sortie Metal et tout ça, dont le morceau où il a la voix totalement éraillée, et j'ai pas du tout accroché, je me dis, putain, mais qu'est-ce que j'écoute? C'est super chelou. Et après avoir écouté 2-3 fois l'album, je suis littéralement tombé sous le charme, tellement il y a une ambiance particulière dans chaque chanson, et quand tu sais qu'en plus c'est vraiment lui qui l'a amené, moi ça m'a vraiment apporté quelque chose de savoir ça. De savoir que c'était le... Enfin, du coup, ça enlève un petit peu au côté super groupe. Mais eux-mêmes ne se définissent pas comme un super groupe. Eux, ils ne veulent pas entendre parler de ça, alors qu'il faut être un petit peu honnête, c'est un petit peu un super groupe. Mais moi, le fait de savoir que le chanteur est arrivé, a reçu tout le matériel de base, a dit « Ok, donc c'est du hardcore. » Parce qu'en fait, quand tu te concentres vraiment sur la musique, tu as du hardcore pur et dur. Avec donc quelques touches trash et quelques touches heavy. Oui, musicalement, oui. Musicalement, voilà, c'est vraiment dedans. Mais quand tu vois que lui, il a reçu toutes les pistes et tu vois ce qu'il a amené derrière... Tu fais « Waouh, il a vraiment poussé le truc tellement loin !» Et du coup, ça rend le truc vraiment excellent. C'est génial. Ouais, enfin, moi, la première écoute, je fais « Ok, c'est bon. » Et en vrai, quand j'ai écouté le groupe, quand j'ai écouté l'album, je me suis dit « C'est un groupe pour Bob. » Je me suis dit « Il va aimer, c'est son truc. » Ah non, tout à fait. C'est pour ça que je te l'ai conseillé, j'y vais écouter, tu vas voir. Tu vois, donc... j'ai adoré le direct, j'ai accroché. Quoi. Ah bah... Le côté complètement déstructuré du truc. Bah, c'est décomplexé, quoi. Les mecs n'ont plus rien à prouver, ils s'en foutent, ils font ce qu'ils veulent. Parce que ça ressemble vraiment à ce que ça pourrait être. Tu pourrais retrouver l'énergie d'un jeune groupe. Ouais. Tu sais, qui a pas de limite. Moi, j'ai retrouvé du Dead Kennedys là-dedans. Un peu de la folie des Dead Kennedys. Tu vois, le côté complètement décomplexé. De, bah, c'est ça. On fait ce qu'on veut. Le mais, chant mais par n'importe. Ce que tu peux retrouver justement dans un groupe qui vient de démarrer, qui veut signer. Regardez, nous, on est capable de faire tout et n'importe quoi. Alors que là, c'est plus justement. Pas un album de la maturité. Ah, mais c'est carré, c'est propre, quoi. Les mecs, ils savent ce qu'ils font, quoi. C'est ça. C'est ultra propre et tout. Et pourtant, ça va dans tous les sens. C'est vrai, c'est exactement ça. Et tu le sens. Enfin, je veux dire, tu connais un peu la musique, tu le sens que les mecs, ils savent ce qu'ils font. Ils vont là où ils doivent aller. Mais tout en foutant un putain de bordel. Donc, ils vont prendre trois chemins. Et ils vont revenir sur le dernier. Et, non, c'est génial. Enfin, j'adore. Et à savoir qu'il n'y aura pas de concept de groupe, donc il n'y aura pas de trucs particuliers, d'un visuel et tout. Ce sera juste quatre mecs qui montent sur scène et qui vont faire leur truc. Ouais. Et qu'en plus, Mike Patton, lui, il est toujours avec ses vieilles chemises à fleurs ou un truc chelou. Ouais. Il sera toujours avec quand même. Ouais, bah. Voilà. Mais c'est vraiment hyper intéressant. Parce que ça fait un album qui est hyper riche. Il dure que 29 minutes. En même temps, tu regardes la pochette, ça correspond tout à fait à la musique. Bah, alors oui et non, parce que, enfin, oui, ça correspond à ce que t'entends, tu t'attends pas forcément à ce que derrière, ce soit ces mecs-là, en fait. Parce que c'est possible. Oui, non, mais je veux dire dans le sens musical, tu vois, ouais. Il y a plein de mains, il y a plein de pieds, je veux dire, c'est, ouais, non, mais c'est le côté Et d'ailleurs, j'ai pas multi... J'ai pas dit où ils jouaient, mais à part, je les vois mal jouer ailleurs qu'en main stage. Ou alors, ils vont faire en genre... Ah non, ils vont... Oh, non. Putain. Genre un Alta ou un truc comme ça, moi. Ouais, la Vallée. Sérieux ? La Vallée. Oh, c'est encore mieux, je trouve. Ah bah ouais. La Vallée le samedi. Ah bah ouais. Et donc. Ah, s'il n'y a rien d'autre, moi je vais aller voir. Et Mike Patton a quand même dépassé 50 ans quand même. Donc c'est. Faire ça à 50 balais, c'est ouf quand même. C'est pas mal. Voilà. Donc je recommande chaudement ça. Moi, quand je l'ai écouté, que j'ai bien aimé, que je dis que c'est un groupe pour toi, je pense que c'est un groupe qui finira dans ta bibliothèque. Bah ils n'ont aucun album. Ils n'ont aucun album. Donc, il va aller à côté de Killer Be Killed. C'est ça. Dans la catégorie super groupe. Voilà. Donc, voilà. Album. Et donc, pour finir, nous avions. Alors, c'est toujours pareil. Malkavian ou Malkavian, je ne sais pas comment on prononce. Parce que. Cocorico ? Eh ouais. Non ! Si. Sérieux ? C'est un groupe de Nantes. Oh merde ! Ils sont nantais, les mecs. Oh bah attends, eh. Oh là, la vache ! Voilà. Ça fait partie bah, justement des deux groupes. En fait, les groupes américains, j'ai pas accroché, mais deux groupes français, ouais. J'ai adoré. Ah, purée. Power Thrash Metal. Tout à donc, fait. Malkavian. Alors, hein, Malkavian commence à se faire une place sur la scène nantaise en 2008. Trouvant son identité au fil du temps et des concerts, le groupe a développé un métal alliant l'énergie du thrash à la technique et la lourdeur du death. Le tout agrémenté de passages groovy. Un EP 7 titres November Ends sort en mai 2009, ce qui lui permet de se produire en live avec des groupes comme Clone, Misanthrope, The Four Horsemen, Catharsis ou bien Jumping Jack. Hey, des amis à toi. Et, ouais. Et de jouer dans plusieurs villes de l'Ouest. Fin 2010, le groupe a connu un changement de line-up et après divers essais, Malkavian est enfin prêt à reprendre la route en attaquant par le Motocultor. En août 2011, le quintet ouvrira pour Suicide Silence, j'en parlais tout à l'heure, en juillet 2012 à Nantes. 2013 sera marqué par l'enregistrement de leur premier album, The Warship Mass, enregistré au Brown Recording Studio. Après de nombreux concerts, des ouvertures pour des groupes comme Clone, avec un K, un enregistrement à la célèbre émission Une dose de metal, le combo est programmé au Metal Corner du Hellfest. Ah oh, merde. Et bim. On ne savait rien. Leur prestation fait l'unanimité et leur permet de fouler les scènes du Dark Vibes Festival et du Muscadès avec Northern Crusher et Blood Blast. En septembre, avant d'ouvrir pour Dagobah en 2015. Dagobah. 2017 marque le grand retour des Nantais avec un nouveau guitariste et un nouvel album, Annihilating the Shade. Fan de Revocation, Slayer et autres Haunted, préparez vos nuques sous l'altar, ça va chier des burnes. Ouais, non, c'est... Je veux dire que j'ai beaucoup... Je veux juste citer mes sources. Ah. Sources de Finisterian Dead End. Donc, Metal Label from Brittany, France. D'accord, voilà. C'est très gentil à toi. J'espère qu'ils nous écoutent. Ou pas. Ou pas. Mais je préfère citer. Non, mais c'est bien, c'est bien. C'est bien. Voilà. Moi, c'est un mix de Wikipédia et de tout. Hein, donc, ouais, bah moi, en fait, je prends là où je pioche et puis je pioche là où je prends. Ouais, c'est pas mal. Ça n'a aucun sens. Du coup, t'as bien aimé. Ouais, carrément. Moi aussi. Hein. Une énergie de ouf, ah, malade, ouais, cinglée. Mais j'aurais jamais cru qu'ils étaient français, comme quoi, c'est complètement con, mais... Oui, non, mais c'est ça. C'est tu te fais des a priori. Ah, c'est ça. Et justement, quoi, c'est ce que je te dis. Mais deux groupes américains, j'ai pas accroché des masses, mais deux groupes français, je les ai. Du coup, ça nous relance aussi sur le fait qu'avec des groupes comme ça, français qui assurent à ce point, comment ça se fait qu'on se retrouve avec des Daleks et autres Aurore alors qu'il y a de quoi faire dans le paysage français. Exactement. Bref. Mais l'Hexagone regorge de. En tout cas, je suis un peu comme toi dans le sens où, moi, quand j'ai créé la playlist pour toi, il y avait 5 chansons, je les ai écoutées, j'ai vraiment accroché direct à Malkavian. Et, qui veut dire quoi d'ailleurs ? Faudrait que j'aille voir. Ouais, c'est intéressant. Voilà. Donc, tu recommandes ? Complètement, à 200%. Et tu iras peut-être les voir si tu en as l'occasion. Si j'ai l'occasion, ouais, puis s'il n'y a rien de. Mais là, cette année, je pense que ça devrait aller. D'accord, très bien. Donc, j'irai certainement faire le curieux. Et tu as écouté quoi, au juste ? Les deux albums. T'as tout écouté ? Ouais. Et t'as tout aimé ? Mais oui. Très très bien. Ouais. Surtout le dernier, je crois, avec la pochette noire et jaune. D'accord. Ouais, non, très bien. Ça part direct. Hein. Bon, t'as une petite intro, non, ça, pas gentil, mais direct, bang, ça te vient clac-clac derrière la tête. Ah oui, non, ça c'est... Puis... C'est très très bon. Non, non, puis c'est vraiment efficace. Enfin, il n'y a pas grand-chose de négatif à dire de ce groupe. Complètement pas. Très donc bien. Voilà. Eh bien, écoute, nous avons terminé les chroniques de cette semaine. Nous allons pouvoir passer aux chroniques de... Enfin, au groupe de la semaine prochaine. Le tirage. Potentiellement. Sachant qu'on n'a pas encore décidé ce qu'on faisait la semaine prochaine. Bah, on va voir ça. Ça va encore se terminer. En coup de Trafalgar. Oh, je le sens. Alors, C'est moi qui ai tiré en dernier. Ah non, c'est toi qui as tiré en dernier. Oui, mais du coup, ça sera toujours. Ouais, bah vas-y, je pioche en premier. Ouais. Baronesse. Bah oui. Bah donc. Ouf. Demilich. Joliche. Demilich ou Demilik. N'oublie pas hein, de toujours aller vérifier après la bonne écriture du mot. À moi donc. Je m'appelle Demilich. Nightwish. Oh bah. Écoute. Bah non, mais. Bah non, mais après. Bah non, parcimonie l'a fait, c'est bon. Oui, bah après bah... tu peux faire la tienne. Non. Non. Moi je lui fais confiance, je relance. Je veux pas d'embrouille là-dessus. Pensée nocturne. Ah. Bah tiens. Encore un groupe malgache, ça. Ça sent, oui. Moi, la malgachie. Hein. Mmh, c'est vrai que c'est pas mal. C'est joli, hein. C'est mon pays. Ouais. Il y a la neige et tout. Stone Sour. Ah. Génial. Les pierres qui n'écoutent rien. Qui n'entendent rien. Qui n'entendent rien. Que, bah, à mon avis, pas la bonne qui n'est pas la bonne traduction, à mon avis. Non, je pense pas. Rotten SoundCloud. Oui. Je suis assez d'accord avec toi-même. Ah là là. C'est bon ? Bah oui, écoute. Hein. Et bim. Super. Super. Dimitri Vargir. Ah, et bah écoute, bah moi j'ai hâte parce que je sais que toi, c'est ta cam. Je peux te prêter un CD si tu veux. Que dire ? Merci la vie. Non, je pense que là, je vais me taire. Shine Down. Ah. Tu connais ? Oui, c'est le groupe qui a fait la musique de Expendable. Boom Jay, Boom Jay. Ah. D'accord. Ouais, c'est très, très mainstream. Blouk. Je les ai vus au download. J'ai serré la main du chanteur. The Walking Dead Orchestra. Bon, ça pue du cul, ça. Clairement, il n'y a pas... Je ne sais pas. Écoute, moi, je te le dis, hein, ça pue... Walking Dead. Ouais, non, ça pue du cul, ça. Bon, écoute, si c'est comme du Emir Kusturica, je suis preneur. Drakwald. Comme du Emir, il n'y a aucune chance que ça soit comme ça. Non, mais après, qu'est-ce qu'il avait fait, lui, Emir Kusturica, The No Smoking Band Orchestra ou je sais pas quoi. Ouais, non, c'était... C'était très bien, hein. C'était top Kalachnikov. Énorme. Ensuite, les préjugés mais sur non, les pays du sud-est de l'Asie. Non, la chanson que... Kalachnikov, elle est excellente, cette chanson. Mais oui. Tout à fait. Très, très bien. C'est ça. Et ben donc, aucune idée de comment va se passer la semaine prochaine. Ni pourquoi. Non. Alors là, on verra. Peut-être qu'on va faire une émission... Alors, j'ai pas envie de faire un truc genre, te rappelle, l'année dernière. Alors, soit on se fait une émission totalement... Remember Camembert. Soit on se fait une émission totalement normale. Ouais, on pourrait se faire un petit best-of, un petit truc sympa, genre avec une présentatrice. Non, je sais pas, j'arrive pas. Je pense que tu te mens à toi-même, tu te fourvoies. Complètement. Très bien. Bon, donc c'est le moment où on stop. C'est ça. Donc, bah écoute, ah, stop. Non, on stop dans la main. Et il est content de lui. Il est fier comme un œuf à cochère. Je sais pas. Un œuf facochère. Il est fier comme un œuf facochère. Alors je vois pas le. Tu vas juger mon art. La nuance. Ne juge pas mon art. Et je ne jugerai pas le tien. Oui, tout à fait. Bien sûr. Ah, très bien. Donc on vous dit à la semaine prochaine. On vous aime. Et on vous emmerde. Ça c'est bien toi, ça. Eh ben, tu veux qu'on fasse l'inverse ? Non. Alors, non, on vous aime. Et on vous aime. Ah, ça fait trois fois on les aime aussi. Ouais, non, ça fait beaucoup. Alors, on ça, vous emmerde. Et on vous aime. Et on vous emmerde, pardon. Non, voilà, attends. C'est pour bon. Équilibrer. Bah, c'est bon, on est à 3-3. Bah, c'est ça. Ne vous attendez à rien pour la semaine prochaine, comme ça au moins vous serez pas déçus. Oui, voilà. Nous on va rien préparer comme ça. Bah, c'est un mec des Monty Python qui disait ça. Ah bon ? Il faut toujours s'attendre au pire, comme ça t'es jamais déçu. Ah oui, mais là je leur dis de s'attendre à rien. C'est un gros discours de névrosé quand même. Hein. Oui, mais là j'attends rien. En même temps, ça te ressemble bien. Oui, mais est-ce que c'est vraiment le moment de rêver ? Tu veux se tailler les veines à 5h du mat. Et 5h30 quand même. On remet les choses dans son contexte. S'il te plaît. 5h, ça fait, j'ai à peine de commencer le boulot, j'ai pas encore le temps d'y penser. Quoi. Tu viens juste d'arriver, c'est en ça. Courant. Putain, je suis en retard. Je suis en retard. 49. Je suis en retard. À 49, je suis en retard. Oui, bon. Non, mais c'est... Non, je m'en rappelle plus en fait, oui, c'est pour ça que j'étais en train de chercher. Mais tu vois, j'ai piffé un truc et c'était pas ça. Comme quoi, on peut pas tous piffer des trucs super. Non, bah non, faut pas. Mais c'est bien en même temps. C'est ton truc, le piffage. C'est ça. Bon, bah, je fais que ça depuis un an. Hein. Donc, et je t'accompagne. Et c'est depuis un an. Merci, mec. Et je te subis. Je te subirai. Voilà. Très bien. Du coup, oui, donc non, vraiment, vous attendez à rien. Hein, de toute manière, je vois pas qui tu l'as déjà dit ça. Mais oui, depuis le début, je crois que tu l'as dit. Hein. Non, mais parce que ça fait genre, ouais, on n'a pas arrêté de dire c'est l'anniversaire, c'est dans un an. Si, non, si, on n'a rien dit, hein, vraiment. Il y aura un gâteau. Oui. Alors, on a pas laissé. Moi, je veux un gâteau. Et qu'est-ce que tu penses d'un fraisier? Ah, ça, ce serait cool. Ouais. Ça serait stylé quand même. Ouais. Est-ce que, genre, on souffle des bougies? Est-ce que c'est radiophonique? Pour quitte à être pathétique, on aurait jusqu'au bout. Complètement. On se fait une. Bah ouais. C'est là, qui c'est qui va nous dire quelque chose? Comme ça, ça permet de voir pour la semaine prochaine si on entend. Tu vois, test en direct. Est-ce que tu crois que je vais réécouter? Bah moi, je vais écouter ça. Combien? Une 40. Une 40? Bah c'est bon. Je vais aller jusqu'à 1h40. Est-ce qu'on entend le souffle? Très bien. Bon, allez, on arrête. Voilà. On se casse. Bonne soirée à tous. Bisous. Et à bientôt. Voilà. Bah, du coup, la semaine prochaine. Bah oui, la semaine prochaine. Voilà. Bah vous attendez pas non plus à des trucs. Non, parce que faut vraiment, on a dit c'est anniversaire, mais on va rien faire. Un gâteau peut-être. Est-ce que du coup, le fait on d'avoir trop dit qu'on fait trop de trucs, ça va. Dès qu'on dit, ah, ils ont trop dit, ils vont faire des trucs. Bah non. Bon, on va pas s'offrir de cadeaux. On ah va non, pas... non, non, non. On aura peut-être un invité ou une invitée ou des invités. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'on invite, je sais pas, genre... je sais pas. Aucune idée. Non, on l'invite pas. Bah, je sais pas. Ouais, non, après. Non, parce que c'est un mec qui il aime bien les anniversaires, tout ça. Genre Gad Elmaleh, les mecs comme ça, ça met l'ambiance. Ah ouais, on pourrait inviter Gad Elmaleh. Ouais. Ou à la limite, plutôt Dedo, alors, un mec métal. Ah oui, oui dans l'esprit. Ouais. Hey, c'est pas con, ça. Ouais, faudrait qu'on essaye de voir avec lui. Bah écoute, je pense qu'il va être dispo en plus. Bah, non seulement s'il dispo, il a pas un groupe, et puis il va avoir envie de se déplacer pour ça. Bah bien sûr. Donc oui. Tu le tagues? Non, tu t'en occupes. T'oses pas? Ah bah là, non, c'est pas que j'ose pas, c'est que là, ça me semble peine perdue. Ah bon? Oh bah... Moi, je suis plus fort pour piffer des trucs à la dernière minute que là, ouais. C'est un truc... Et bah au pire, tu l'invites à la dernière minute. Peut-être qu'il sera. Non, t'imagines? Bah... Non, j'imagine pas. Tu sais quoi? Je pense que je vais essayer. Comment tu vas tourner? Je sais pas, j'en sais rien. Non mais. Si, je fais ça. Non, pas du tout. Attends, juste remets-toi une seconde. Mais imagine toi à sa place. Non, mais. Recevoir un message de mecs qui font, un podcast sur le Hellfest. Mais on s'en branle. Mais pourquoi il viendrait? Dans ce cas, il va dire ouais, vous me payez mon défraiement. Bah pourquoi pas? Tu sais combien ça coûte le billet de train? C'est-à-dire qu'il va falloir que tu le loges. Bah regarde, c'est bien ici. Il était en train de le marquer. Mec est bourré. Bon, allez, je me casse. C'est n'importe quoi. Bah, faut d'abord que tu me vires tout le. Tu me nettoies la table. Déjà, parce que avec toutes tes canettes que t'as bu, là, c'est un peu n'importe quoi. Il y en a la moitié. Je retire que la moitié, pas plus, pas moins. Voilà. Et encore, je pense que t'as un reste supérieur à la moitié. Donc. Très bien. Bon, bah alors, à la semaine prochaine. Bisous. On va être que tous les deux et ça sera très bien. Au revoir. Voilà, au revoir.